écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de con de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Voici, ça existe, mais ça ne devrait pas, on l'a. C'est ça existe, mais ça ne devrait pas. On a la chronique des gadgets inutiles. Oui, c'est rare. Là. Même, j'étais surpris d'entendre cette intro-là. Ça fait bizarre avec toi. D'habitude, on l'a fait le mercredi, mais cette semaine, c'était tellement chargé qu'on doit la remettre au lundi. Mais il y en aura quand même une mercredi, une vraie. N'ayez crainte. Avec Stéphanie. Steph, n'ayez crainte. N'aie pas peur, ma chère. Commençons avec les Roomba. Tu connais les Roomba, c'est les petits robots qui font le ménage pour toi, qui passent l'aspirateur. Moi, je pensais que t'allais dire c'est moi qui danse. Je danse la Roomba. Oh, holé! Holé! Alors, il y a aussi une compagnie qui s'appelle Super Droid qui fabrique une déneigeuse robotisée pour vider ta cour avant, ta cour arrière et tout en restant à l'intérieur de la maison. Le robot qui a des pneus de 13 pouces, ça fonctionne avec un moteur 24 volts. C'est 52 par 16 pouces, le véhicule au complet. Et ça monte et ça descend grâce à un compresseur à air. Vous pouvez voir le robot faire son travail, vider une... ça, c'est un stationnement de commerce qu'on voit dans la petite vidéo en dessous. Malheureusement, par contre, ça demande un opérateur avec une télécommande. Donc, c'est pas autonome. Ça va pas comme le Roomba faire soi-même la cour arrière au complet. Super Droid qui peut aussi avoir des batteries additionnelles. Tu peux avoir des chaînes sur les roues. Et tu peux avoir des caméras sur le robot. Donc, vraiment, tu pourrais être à l'intérieur et la caméra te montrerait où tu t'en vas. Ça fonctionne sur Internet. Tu peux le contrôler même si tu es sur un autre continent. Donc, si tu avais des caméras, tu pourrais être au Mexique. Puis déneiger ton entrée. C'est n'importe quoi, mais c'est cool, ça. Ouais. Sur la photo, je pensais que c'était plus petit à la base. Okay. Mais c'est quand même gros. Là. La pelle, elle fait quand même un bon 4 pieds. À peu près, ouais, c'est ça. Donc, 52 par 16 pouces, 1 pied et demi. Donc, j'imagine que c'est de largeur par 52 pouces. C'est combien, ça, de longueur? En tout cas, bref. Ça coûte 7 900 $ américains pour chacun de ces petits robots-là. Super Droid. Ouais, 7 000 $. Ah, y'a que ça. OK. Pour 7 000 $, je pense que tu peux te faire déneiger ton entrée par un déneigeur professionnel pendant au moins 5-6 ans. C'est vraiment une grosse entrée. Là. Mais t'as pas le mérite de l'avoir fait comme toi-même, mais sans vraiment le faire toi-même. Non, tout à fait. Par procuration. Oui. Procuration! En restant au chaud. On te cherchait un petit patois, Jean-Philippe. Comme Manolo en Ramdam disait tout le temps persécution parce qu'on riait tout le temps de, mettons, de lui. Il se sentait persécuté. Ouais. Nous, ici, quand on rit pas de tes blagues, on voulait que tu aies un petit mot, tu sais. Fait que là, il pourrait y avoir genre prosécution, prostitution. Ouais, ben j'en ai sorti plein. Je suis allé sur un site de mots croisés. Translation! En fait, oui, translation. Violation. Tout est là. Ouais. Mur du son. Mais oui. Non, ça marche moins, ça. Donc, toujours dans les gadgets inutiles, une petite table de chevet en forme de mouton. Inspiré par Salvador Dali, créé par Oscar Tusquets, un artiste en Espagne. C'est lui qui a fait ce petit mouton-là avec des tiroirs à l'intérieur. Donc, il a vraiment utilisé un mouton, de la taxidermie, comme vraiment un mouton qui était avant ça, un vrai mouton, si on veut. Il a pris la toile de Salvador Dali pour s'en inspirer. C'est la toile qui s'appelle Interpretation Project for a Stable Library. On peut voir vraiment, en effet, une petite table de chevet en forme de mouton. Tusquets qui a travaillé avec un studio de taxidermie français bien connu. Pour en fabriquer 21 en tout. Chacun a des pattes de bronze et puis un tiroir sur le côté pour mettre ses affaires. Il va y en avoir, donc c'est ça, il va y en avoir 20 blancs et un noir, un mouton noir. Tout ça pour 82 000 $ américains. Pour de vrai, Mathieu, je trouve ça aberrant. Je trouve ça terrible. Je voudrais... C'est aberrant. Oui, mais... Ça, c'est une chèvre, là, je pense, que mouton. Ouais, un mouton. Pour de vrai, je voudrais tellement pas ça chez nous, là. Tu te réveilles, là. À chaque matin, tu te réveilles. Ah! Il faut que tu demandes à ta blonde de tasser le mouton pour pouvoir les faire compter. Pour que tu puisses compter les moutons, faut que le mouton fasse le tour du lit. Ben tu oui, mettre des roulettes. Ou tu le mets genre sur un petit train électrique. Oui! Puis il tourne. Ou sur un Roomba. Non, pour de vrai, j'haïs ça. J'haïs ça, monsieur. Je n'ai pas peur de le dire. Je te comprends. Certains conducteurs de voitures sont vraiment très mauvais pour se stationner. Hein? Ça, c'est vrai. C'est ça, il y a des aimants qui s'appellent les Do Your Park Magnets. D'accord? On met ça sur la voiture et ça fait pas grand-chose, mais sauf que ça insulte le conducteur pour lui dire que Colin, il stationne mal. Chaque paquet contient 10 aimants avec un paquet d'insultes qui vont du subtil au vraiment dans ta face. Par exemple, mettons, si je venais pas tout juste d'y aller, eh ben, je ferai mes besoins sur ta voiture. C'est très joli, ça. Park better. C'est vraiment le fun. Park better, voilà. C'est ça, les autres sont durs à traduire quand même. Ah tiens, Bozo, tu devrais apprendre à te stationner. Puis là, tu vois un clown contre le mur. Puis il y en a un où c'est marqué, j'aime bien lui, c'est marqué, les compagnies aériennes te chargeraient deux sièges pour t'avoir parqué comme ça. Parce que t'as pris deux places. C'est bon, ça. Ouais, c'est pas pire. C'est très bon. l'autre dit Titanic, point. Lindenberg, ça, c'est le gros véhicule, l'espèce de gros ballon là, qui a explosé. Dirigeable. Dirigeable, exactement. Et ça, c'est point, donc le dirigeable, point. Et ton stationnement aujourd'hui, point encore. Donc, c'est des catastrophes. Des catastrophes. C'est génial. Les aimants Do Your Park, disponibles pour $12 américains pour l'ensemble de 10. C'est drôle, mais en même temps, t'es père après. Tes pères, c'est ça. Ouais. Faut que tu fasses photocopier. Oui. Probablement. Ensuite, un masque pour entraîner votre visage. C'est le Face Trainer. Pour seulement $300, tu peux avoir ce masque que tu insères comme une cagoule, si on veut, par-dessus ta tête. Et ça dit au revoir aux aiguilles et aux couteaux pour la chirurgie, par exemple. Ce produit-là va entraîner ta face pour qu'elle ait l'air plus en forme, plus jeune. Wow. Face Trainer, moi, je trouve que t'as l'air plus épais. Tu trouves? Oui. Ouais, vraiment. Ensuite, c'est des meubles pliables. Des meubles style origami, ça s'appelle Folditure. Hein, si tu manques d'espace, tu peux acheter ces chaises et ces tables-là de Folditure fabriquées aux États-Unis en aluminium et en stainless steel, donc acier inoxydable. Et c'est donc le principe des chaises et des tables pliantes, un petit peu comme les tables pour jouer aux cartes, mettons. Là, oui. Une petite table que tu déplies. Donc, on l'amène ça dans le futur avec ce look-là acier inoxydable. On peut les mettre dans son garde-robe quand on s'en sert pas et on les déplie. Tu peux avoir deux styles pour les chaises, différentes couleurs. Ça commence à $590 jusqu'à $940. Et ça, c'est par chaise. Et misère. Et on ajoute la table pour $1680. Mais c'est beau. Oui, de l'acier inoxydable, quand même. C'est quand même bien. Ça fit pas partout, mais c'est quand même assez moderne, futuriste. C'était le réfrigérateur et le poêle qui vont en avec. En stainless. Pour plus d'infos, c'est le site de Folditure via assemblagerequis.com. Ensuite, une veste pour les gens qui aiment courir, mais qui aimeraient écouter de la musique. Et tu sais, quand tu cours, Colin, des fois, t'as des écouteurs dans les oreilles, ça va t'empêcher. Ça tombe. Ça tombe, puis ça t'empêche d'entendre le trafic. Oui. Que de désavantages. La voiture qui arrive, qui fonce sur toi. Tu sais, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas t'acheter cette Runner's Speaker Vest pour entendre votre musique de façon sécuritaire, tout en voyant et en entendant ce qui se passe autour de toi. Il y a des poches à l'avant pour mettre ton téléphone cellulaire, évidemment, et des haut-parleurs à l'avant de la veste qui vont envoyer le son à tout le monde qui ne veut pas nécessairement entendre ta musique. Oui, c'est ça, exact. Moi, j'aime pas les gens dans l'autobus qui font aller leur iPhone beaucoup trop fort. Je sais pas si t'as déjà vécu ça dans les médias encore. Les transports en commun. Tu sais, les médias en commun. Oui, les fameux médias en commun. On prend tous un journal. Oui. Il y a des petites... Oui, mais tu sais, ça arrive aussi. Les gens se promènent, puis vraiment, tu sais, ils s'en cachent pas. Là. Il y a le cellulaire vraiment dans la main. À l'université. Face à eux. Et puis le son dans le tapis, puis là, ils écoutent. T'as envie de les frapper, ces gens-là, tu sais. Ben, je sais pas. Il existe des écouteurs. Ça existe. On vient d'inventer ça, c'est nouveau. Oui. Un dans chaque oreille, t'as le stéréo, toi. Oui, mais puis tu peux aussi en mettre juste un dans ton oreille pour entendre tes amis te dire « Hey, salut, ça va? » Puis là, tu réponds « Oui, toi, ouais! Hey, bro! » C'est tout. On va te faire bronzer, bro! Bro! s'entraîner, se faire bronzer, bref. Ça vient en trois grandeurs. La veste, évidemment, on revient à la veste avec un haut-parleur à l'avant. Bande ajustable pour être plus confortable. T'as aussi des bandes de réflexion, genre... Fluorescente, exactement. Les haut-parleurs sont enlevables, donc tu peux laver ta veste et puis tu peux rester en sécurité avec tout ça. Donc, évidemment, c'est la Speaker Vest sur Hammacher Schlemmer. Ça vaut 70 beaux dollars. Mathieu. Quoi? Est-ce que je peux faire une parenthèse? Ben, parce que là, tu parles de speaker, puis je trouve ça génial. Je sais pas si tu as vu Sony qui ont sorti leurs nouveaux écouteurs waterproof. Oui, qui vient dans une bouteille. Hein? Qui vient dans une bouteille d'eau. C'est génial. Je pense que je l'ai plus tard. Je me demandais si tu allais en parler. J'ai hésité avant de le dire, mais je me suis dit que si je le disais pas là, j'allais le perdre. Sony qui a fait vraiment tout qu'un coup marketing, puisqu'ils vendent ça dans les piscines municipales où les gens s'entraînent. Et puis, ben, dans le fond, t'achètes une bouteille d'eau, puis t'as tes petits haut-parleurs, tes petits écouteurs qui vont dans l'eau. Fait que maintenant, c'est possible de se baigner et d'écouter ta musique. C'est génial, hein? Génial. Puis j'adore le coup de pub, là. C'est génial. Très bonne idée. Voilà. Bon, on reste dans les haut-parleurs, JP, avec une montre haut-parleur. tu mets ta musique sur ton poignet avec les BEM Wireless Speaker Band. C'est un haut-parleur Bluetooth super coloré qui ressemble à une grosse montre et ça se connecte sans fil à ton téléphone et ça joue de la musique. Ça a un microphone intégré pour que tu puisses aussi l'utiliser pour répondre à des appels. Donc, un peu comme Dick Tracy. Tu presses sur le bouton puis ça passe par ton téléphone par Bluetooth. Tu parles dedans. Allô? Yo, bro, vas-tu se faire bronzer? Ouais. Ça, j'imagine juste quelqu'un qui a ça, mettons à l'université, là, ou peu importe, aux rivières. Là. T'as quelqu'un qui a sa montre, qui parle à quelqu'un. Tu dis, voyons, ce gars-là, qu'est-ce qu'il y a avec l'heure? T'sais, parce que t'as vraiment l'impression qu'il regarde tout le temps l'heure, puis qu'il est fort. Mettons, il est en train de se chicaner avec sa blonde. Là. Mais non, là, je t'avais dit de laver mes bords. Manon, c'est son nom, évidemment. Mais oui, Manon, Manon. Mais non, pince le piton de la laveuse! Tu te demandes pourquoi la personne est si fâchée que ce soit à cette heure-là. Là, tu comprends rien. Ah. En plus, il y a la veste, il y a les écouteurs porno, ben oui. Puis il y a la montre. Fait que Des écouteurs porno? Des écouteurs porno. Ça vient en 6 couleurs funky pour environ 50$, rouge, blanc, bleu et un paquet d'autres. C'est la montre haut-parleur. Génial. Génial. Ensuite, quand t'es une fille, JP, ta sacoche, hein, mettons, imagine-toi, t'es une fille, t'as une sacoche. C'est fatigant toujours avoir à transporter ta sacoche. C'est lourd des fois. Tu sais, tout ce que tu veux, c'est ton portefeuille. Surtout quand, mettons, tu travailles à la radio puis t'as, mettons, une carte pour faire déverrouiller les portes, puis oui. C'est dans ton portefeuille, tu sais. Tu veux pas avoir amené ta sacoche au complet. Donc, il te faut Wallet Wand. C'est comme une baguette magique que tu vas utiliser dans ton portefeuille. Si tu vas insérer la petite barre dans ton portefeuille, tu vas fermer ton portefeuille et après la barre, t'as une sangle un peu comme une sacoche. Donc, tu transportes ton portefeuille comme une sacoche. Incroyable. C'est vraiment cool. Wallet Wand qui vient donc avec deux baguettes et deux straps détachables de chaîne. pour changer le look de ta sacoche ou peut-être que c'est la même deux fois, je sais pas. Le kit coûte 20$. C'est disponible sur le site de Wallet Wand. C'est pas si cher, c'est bien. Parce que j'étais pour dire, ils vont encore vendre ça une fortune pour rien. Si seulement, non, mais c'est bien. 20$, c'est accessible. TheWalletWand.com. Allez voir la petite vidéo, c'est vraiment le fun comme idée, je trouve. Ouais. Le prochain. Ah, le prochain. OK. C'est pour toi, celle-là. Ah, elle est bonne. Toi qui es un gars de bureau, mais t'es aussi un gars de nature, hein? Oui. T'aimerais pouvoir amener un petit peu le boisé, la campagne. Au bureau. Ben oui. Tu sais, le bureau qui est tellement genre technologique et futuriste ici, assez fou. Hein? Oui. Il te faut ce bloc de post-it, mais en bois. Tu sais, look bois, bref. C'est fait pour ressembler à un bloc de bois. Ça contient un bloc-notes avec le pattern, le look bois imprimé sur les deux côtés. Ils sont tellement épais que ça donne presque l'impression d'avoir été enlevé du vrai bois, mais ce n'est pas du vrai bois. J'adore ça. C'est super beau. Wood Peace, c'est le nom. Puis j'adore aussi le titre. Would you like to write this down? Would you like? C'est un jeu de mots de bois, man. Oui. Aïe, aïe. Ah. Hey, je bois tes paroles. Wow. Ensuite, tiens. Maintenant que t'as amené l'extérieur chez toi, tu vas pouvoir amener... Excuse-moi. Tu vas pouvoir amener l'intérieur de la tête de ton chien chez toi aussi. Oui. Ils ont choisi le plus beau chien pour ça. En effet, c'est une... Quelle sorte de chien, ça? C'est un pug. Un pug. T'as envie de le lancer contre un autre pug, comme dans les années 90. Avec un slammer. En plastique. Bref, ouais, c'est ça. Donc, en utilisant un électroencéphalogramme ou un EEG, le produit No More Woof... Va comprendre les courants électriques du cerveau de ton chien. Ça va les analyser avec un ordinateur Raspberry Pi qui était à l'intérieur de l'écouteur. Et ça va sortir la traduction en anglais, donc bien parlé. D'accord? Il y a plusieurs versions d'appareils qui vont être produits, chacun avec un ou deux sensors. Ils sont supposés être quand même... au début, ils vont être rudimentaires et un jour, ils vont s'améliorer. Mais c'est que tu vas comprendre les pensées de ton chien. Oui, c'est génial. En anglais. Il n'y a vraiment pas l'air cave, premièrement, le chien avec... on dirait qu'il y a un ordinateur de la NASA sur la tête. On dirait une secrétaire, ouais, avec oui. Un ordinateur Star Trek sur le allô? Côté. Allô? Oui, c'est ça. C'est fou, bonjour! disponible pour 65$ et plus sur Indiegogo. Faut encore une fois donner de l'argent, un peu comme sur Kickstarter, pour réussir à ce produit-là, mais c'est ça, c'est super rudimentaire pour l'instant, ça comprend presque rien comme pensée du chien. Non, c'est ça du genre, je veux manger, je veux être flatté, je veux sortir. C'est ça. Puis ça va aléatoirement, un peu comme les Simpsons, hein? Non, mais oui, mais oui, avec Maggie, oui. Mais Herb, c'est ça. Oui. Mais moi, j'allais plus, tu sais, est-ce que tu as déjà acheté ça quand tu étais petit, la boule 8? Oui, qui dit pas aujourd'hui. Oui, c'est ça, tu posais une question comme... est-ce qu'elle va m'aimer, elle? Parce que là, t'avais un kick sur une fille, là, puis là, ça te disait, oh non, peut-être demain. Puis là, t'étais, je ne crois pas. Oui, c'est ça. C'était jamais la même chose. Oh, mais j'aimais cette boule. En fait, je l'avais pas, puis j'étais jaloux de celui qui avait cette boule-là. Va te chercher l'application. Oh. Boule 8 magique. Il y a ça? Sûrement. C'est sûr. J'essaye. Cherche. Sûr. Vas-y. Pendant ce temps-là, tu vas pouvoir y aller justement avec ton doigt. Parce que, tu sais, les écrans tactiles, des fois, ça bloque l'image. Donc, tu peux te servir d'un crayon ou d'un stylo, d'un crayon plomb, même d'une baguette chinoise ou d'une grosse cuillère en bois. Et au bout, enfiler le petit doigt de genre Mickey Mouse. Tu sais, Mickey Mouse avec un, oui, un gant blanc. Ben c'est ça, mais un embout qui va après n'importe quel bâton, si on veut, pour s'en servir comme stylet sur ton iPad ou iPhone. C'est de Sock UK. Et c'est fait pour être vraiment précis, pour peut-être dessiner ou entrer des données dans des petites cases, mettons, style Excel ou Numbers sur le iPhone. C'est le Touchpoint Stylus Pencil Topper qui ressemble, comme je disais, à la main de Mickey Mouse. C'est 35$ pour un seul. C'est beaucoup trop cher. Disponible du Royaume-Uni. Le shipping, j'imagine, va coûter de l'argent aussi. Mais bon, c'est pour utiliser votre iPhone comme Mickey Mouse. Et je pense que quand même, j'aimerais ça y finir avec un qui serait drôle. Un instant. Est-ce que t'avais trouvé ce que tu cherchais? Non. Ça ne sera pas bien long. D'accord. Par ça, je vais parler pendant ce temps-là d'une tapette à mouche, mais qui ressemble à une épée. C'est vrai. Donc, un super design qui amène ça un petit peu dans un autre genre de domaine, parce que tu vas avoir l'air viril en tapant ta mouche. Parce que c'est une tapette à mouche. Ah! Pas super viril. Donc, tu pourrais passer ton été avec une épée dans la main. OK. Et il y a une tapette à mouche au bout. Tout ça, c'est en plastique. Vous allez vous sentir comme un héros. Ça coûte 13$ cette tapette à mouche épée. C'est incroyable. Voilà. Moi, c'est tout pour la chronique. Ça explique, ça devrait répondre là. Mathieu, je le trouve pas. Ah, dommage. Toujours pas. La boule de, j'ai la boule de cristal. J'ai la toilette magique. Magic 8 Ball. Magic 8 Ball. Ben, j'ai de Magic Ball. Ah, Magic Ball, c'est pas super, ça. Ouais. Pas super, c'est gratuit. Oui, c'est gratuit. Je la télécharge à l'instant. OK, puis d'ici la fin de l'émission, on va pouvoir connaître ton futur. Ouais. Tu vas pouvoir nous poser des questions et nous donner les réponses. Donc voilà, pour ça existe, mais ça ne devrait pas. On l'a, la collègue des gadgets inutiles. Tous les liens sur assemblagerequis.com. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de con de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Replongeons dans le dîner de con un certain midi cette semaine. Et je vais vous offrir un top 10 des choses que vous n'auriez jamais cru pouvoir recycler. Donc, les ressources de la planète, on le sait, ça me nuise sans arrêt. Et puis nous, on continue, on consomme, on est de plus en plus, on est comme un cancer sur cette belle planète. Alors, pensez à donner une seconde vie à tout ce que vous possédez déjà. Je pense que il fallait le faire. Il faut recycler dans la vie. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, disait Lavoisier. Tout se récupère pour nous. Oui, tout. Et avec un peu d'inventivité, eh bien, vous allez découvrir différents types de recyclage que les éclaireurs du site Soon ont détecté pour vous. Et on va commencer avec la 10e position, donc des choses que vous ne croyez peut-être pas qui se recyclent, mais oui, ça se recycle. Une guitare de chasse. Eh bien oui, on peut recycler ici, on a recyclé le fusil de papy, qui pourrait devenir la prochaine guitare de votre petit frère. C'est ce que propose de faire l'artiste Pedro Reyes. Une guitare pour faire jouer du Motorhead. Plus que du Henry Dess, mettons. C'est une guitare assez... surtout qu'elle a deux cordes. C'est ce que je trouve ça un peu particulier. Mais c'est vraiment fait à partir de plusieurs armes à feu soudées ensemble. On y a mis des cordes et tout, pick-up, système électrique, tout le kit. Donc, on a recyclé des guns en guitare. Pourquoi pas? Sinon, les T-shirts. T-shirts recyclés, oui, on peut s'en douter. C'est une marque de créateurs qui récupère de vieux vêtements pour créer des pièces uniques. Votre vieux T-shirt de Nirvana que votre copine essaye de vous faire jeter depuis 15 ans vaut peut-être en fait beaucoup d'argent. Pas tant que ça, mais quand même, on essaie de recycler vraiment les articles. Et puis, ça donne des looks bien originaux. Et c'est parfait comme ça. Ici aussi, on a recyclé un vieux train. Sur la route de la casse, ce wagon a été récupéré pour être complètement transformé en une librairie. Je sais pas où ça a lieu, mais ça doit ressembler à la Russie. Je sais pas, c'est pas un préjugé, je dis ça de même. Intéressant, des vieilles chaussures maintenant ne finiront peut-être plus au fond de la poubelle. Même si vous en avez juste une, vous pouvez la recycler en chaussures potagères. Ben oui, mis au fond du jardin, on a mis une graine à l'intérieur qui se transformera en arbre. Vous n'arriverez jamais à les balancer de toute façon. Donc, on fait pousser des trucs, des semis à l'intérieur du soulier. Comme la forme est quand même assez résistante et surtout laisse passer l'eau, ça s'égoutte et c'est pas de problème. En plus, c'est vraiment très original. Autre truc ici, et j'en suis... Moi, j'étais vraiment bouche bée. On recycle des larmes. Vous avez compris, des larmes pour faire du sel à partir de larmes. Hein? Quand même, les larmes qui auront même un petit goût de poivre, semble-t-il, parce que la tristesse n'est jamais très fade. Hein? Donc, là, c'est assez particulier. Des larmes recyclées. C'est parce que je regarde la bouteille. « Salt made from tears ». Et puis, ben, c'est ça. Hein? Rien d'autre de plus à dire. On recycle des larmes pour faire du sel. Ça doit coûter un méchant bras d'avoir une salière comme ça, par contre. Et puis, est-ce que c'est si hygiénique? Je me le demande. On fait, dans le fond, tu sais quoi? Il faut qu'on ramasse comment les larmes? Et ça en prend quand même pas mal là, pour réussir. En tout cas, c'est qui les pleureuses de ça? Bien étrange. Beaucoup de questions restent. Qu'est-ce qui est intéressant ici? Les bijoux qui sont faits en mine, de fragments de mine antipersonnelle pour faire des petits bijoux jolis, porteurs d'espoir. Donc, un petit peu de beauté dans ce monde de brut. On recycle des mines antipersonnelles, des fragments de mines qui ont déjà explosé, qui ont sûrement tué ou en tout cas blessé des gens. Assez particulier. Autre truc assez intéressant, c'est un designer hollandais qui était bien intentionné, qui a décidé de ramasser les botches, les mégots de cigarettes qu'il trouvait dans la rue pour les compacter et ensuite en faire des nids d'oiseaux. C'est ça. Qu'est-ce qu'on va faire avec les foutues cigarettes électroniques? Je ne sais pas, mais gars, avec les mégots de cigarettes, les vrais, là, eh bien, on peut en faire des nids compressés. Vraiment très original. On ne peut pas être bien plus original. Sinon, le cycle de la sueur, la Sweet Machine, est une initiative de l'UNICEF qui permet de transformer la sueur en eau potable pour la retranspirer après. Plus tu cours, plus tu bois, plus tu bois, plus tu cours et plus tu produis de l'eau. Un peu particulier quand même. Est-ce que c'est vraiment intéressant? Je ne sais pas. Autre ici, l'énergie pipi. Eh bien oui, au Brésil, un festival recycle l'urine des participants pour faire fonctionner les enceintes acoustiques, les enceintes de concert. OK, merci à vos publics pour vos applaudissements, vos chemins, bien sûr, pour vos petits pipis. Vous êtes loin des meilleurs de la tournée. Donc, on fait de l'électricité avec... On fait fonctionner les enceintes acoustiques avec du pipi. OK. Et dernier truc que vous ne croyez peut-être pas pouvoir recycler, eh bien, c'est la revente de cérémonies de mariage. Eh bien, oui, aux États-Unis, les amants qui renoncent à se marier peuvent désormais revendre leur cérémonie clé en main à d'autres couples qui, eux, sont plus pressés. Malheureux en amour, heureux en affaires. Pour le divorce, par contre, ça n'existe pas encore. Sur ce, wow, hein? Quand même, des trucs assez originaux qu'on n'aurait pas pu imaginer. Ben, en tout cas, que moi, je n'aurais pas pu imaginer. Un isopode géant meurt après avoir passé 5 ans sans manger dans un aquarium. Je pense qu'après 5 ans, ça peut être normal. Et un isopode, je vous le dis, c'est un genre de grosse blatte géante et marine. Après avoir passé plus de 5 ans sans se nourrir, un isopode géant a été retrouvé mort vendredi 14 février. L'événement a eu lieu à l'aquarium japonais de Toba, dans la préfecture de Mi. Le personnel de la structure a été très affecté par la perte de ce crustacé Batinomus gigantus, étroitement suivi depuis plusieurs années. L'isopode géant, baptisé numéro 1 pour le distinguer de ses deux autres congénères, n'avait pas mangé depuis janvier 2009. Les gardiens affirment l'avoir vu à cette époque dévorer un poisson entier avec les arêtes en 5 minutes seulement. Toutefois, depuis cette occasion, l'animal n'a plus jamais daigné manger de la nourriture qui lui était tombée, qui lui était donnée. Takiyamori Taki, responsable du crustacé, affirme avoir fait tout son possible pour tenter de le nourrir. Différents assortiments de produits alimentaires ont été proposés tous les 10 mois à numéro 1 et toujours sans succès. Selon le gardien, la créature aurait même fait semblant de manger en approchant sa bouche ou sa patte de la nourriture sans pour autant l'avaler. Au moment de sa mort, l'isopode était dans une période de jeûne longue de 5 ans et 43 jours. L'aquarium a procédé à une autopsie afin de déterminer la cause du décès, mais l'opération opération n'a mené à n'a aucune conclusion. Il est prévu que la créature soit congelée afin d'en assurer sa conservation et aider les recherches qui sont en cours et qui tentent d'élucider la raison pour laquelle celui-ci a refusé de s'alimenter. Numéro 1 a été déplacé de l'aquarium du Golfe du Mexique en septembre 2007. À ce moment-là, il mesurait 29 cm et pesait 1 kg. Bien que l'isopode soit sous étroite surveillance, personne n'avait constaté une dégradation de son état de santé. Même après avoir passé de longues années sans manger, la créature se portait comme un charme. Les isopodes forment un ordre très varié de crustacés qui compte pas moins de 10 000 espèces. Les plus petites mesurent à peine 0,5 mm, quand les plus grosses peuvent atteindre 50 cm, aussi voraces qu'elles soient. Certaines grandes espèces, comme le batinome géant, sont tout à fait capables de jeûner sans que cela n'affecte leur santé. Les isopodes géants sont toujours dans un état de semi-hibernation parce qu'ils ne savent pas quand ils peuvent manger. Donc, ils limitent leur énergie en ralentissant leur respiration ainsi que toutes leurs autres activités. C'est ce qu'avait expliqué en février 2013 Taeko Kiyomura, un écologiste marin de l'Université de Mi, repris par le Japan Time. Néanmoins, jusqu'ici, les spécialistes n'avaient pas observé de période de jeûne aussi longue que celle qui s'est imposée à numéro 1. C'est ce que lui-même s'est imposé. Le spécialiste avait indiqué que l'isopode gardait peut-être une réserve de graisse dans son foie, ce qui pouvait expliquer son absence de faim. Mais l'autopsie n'a pu confirmer cette hypothèse, donc ça reste un mystère. Et puis une dernière, et toujours dans le domaine animalier, et c'est non moins la dernière des nouvelles, elle est vraiment très intéressante. Je vous invite à vraiment aller visualiser le clip. C'est des dauphins qui sont filmés en train de se droguer, donc en train de triper. Et ils se droguent avec quoi? Eh bien, avec un poisson globe, rien de moins. Aussi intelligents que sociaux, on le voit tout de suite, les dauphins partagent certains traits de caractère avec l'humain. Comme nous, ils peuvent faire preuve d'empathie, de jalousie et ont même un certain sens de l'humour. Mais ils peuvent également, tout comme l'homme, présenter des petites faiblesses comme une addiction à certaines substances. Pour preuve, la vidéo capturée par une équipe en tournage pour un documentaire de la BBC. À première vue, la séquence semble tout à fait innocente. Elle montre un groupe de dauphins jouer avec un poisson globe. En utilisant leur bec, ils s'amusent à l'attraper, se le passer et à le relâcher. Nous avons vu les dauphins attraper le poisson globe avec des gants. Attends un peu. Oui, nous avons vu les dauphins attraper le poisson globe avec des gants très gentiment et délicatement, comme s'ils le prenaient soin pour ne pas trop l'énerver ou même le tuer. C'est ce qu'a raconté le zoologue et producteur Rob Piley. La scène a duré au total entre 20 et 30 minutes. Là, on a juste une ou deux minutes là, sur vidéo, mais quand même, ça indique tout. Mais pour les dauphins, il ne s'agissait pas d'un simple jeu. Les mammifères étaient tout simplement en train de se droguer en utilisant la neurotoxine du poisson globe. En effet, lorsqu'ils sont en danger, ces poissons déclenchent un mécanisme de défense qui consiste à libérer dans l'eau une toxine censée éloigner les perturbateurs. À forte dose, cette toxine est mortelle, mais à petite, elle a simplement des effets hallucinogènes. Alors, en jouant avec le spécimen, les dauphins lui font libérer cette substance qu'ils se mettent ensuite à humer. C'est la première fois qu'un tel comportement est filmé chez les mammifères marins. Les dauphins semblaient hypnotisés, comme en état de transe, ce qu'a raconté Rob Piley. Après cela, ils ont été vus près de la surface de l'eau comme ensorcelés par leur propre réflexion. Le poisson globe, lui, a réussi à s'échapper et au vu de leur habileté à manier le poisson, l'équipe de tournage pense que ce ne serait pas la première séance hallucinogène de ces mammifères marins. Wow! La séquence est extraite d'une série de mini-documentaires Dolphin Spy in the Pod, filmé par John Downer et son équipe. Pour dévoiler les secrets des dauphins, les réalisateurs ont employé des caméras déguisées en calmars, en thon et même en d'autres dauphins. Le but, s'infiltrer en toute discrétion dans un groupe pour observer le comportement des mammifères et ça semble-t-il plutôt bien fonctionner. Au total, ce sont quelques 900 heures d'images qui ont été capturées pendant un an à travers le monde, notamment au large de l'Amérique, du Costa Rica, de l'Argentine et de l'Australie. La séquence avec le poisson globe, elle, a été capturée au large du Mozambique. Ajouté à cela, l'équipe de tournage a réalisé plus de 1500 plongées, totalisant quelques 3000 heures placées sous l'eau à filmer ces mammifères marins. Cette série fait suite à celle consacrée aux manchots, qui a également été réalisée grâce à des caméras espions. Contrairement aux caméras manchots, cette fois, nos créateurs espionnes devaient suivre des dauphins rapides, parfois jusque dans les profondeurs. Les dauphins étaient très curieux de leurs nouveaux voisins et ils les ont acceptés dans leur vie. C'est ce qu'a commenté John Downer, une cohabitation qui a permis de capturer des images rares, voire même uniques. Québec. Allez voir ça. C'est hot. Une communauté de dauphins en pleine séance de drogue, de party, que je pourrais dire. Donc, on alterne nos perceptions chez toutes les créatures. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de con de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Assemblage requis. Parlant de se tenir après quelque chose, on va se tenir après la tête du lit. Parce que voici Kinky Sexy Time. Tel du fromage qui fait squeak squeak, ton lit aussi fait squeak squeak. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a encore ça dans les motels? Là, tu mettais de l'argent. Du fromage? Probablement. Ça doit sentir très mauvais. Oui. Mais que tu mettais de la monnaie. Puis pour que ça vibre? Oui. Ah, oh, je sais pas. Ça m'est jamais arrivé. Non? Mais j'aimerais ça. Ben, as-tu déjà visité un motel? T'sais? Oui. Oui? Oui. OK. Pour une aventure... on terra les détails. Non, mais je suis allé... tant qu'à faire. Ma réputation est en jeu. Je suis allé à Sept-Îles. Et j'ai dormi au motel Sept-Îles. Ça, c'était vraiment cool. Cool. Le gars, il nous a... il était tellement fin. Là. Il nous a conseillé d'aller manger du roast beef. Du roast beef? Oui. OK. C'était du roast beef, mais avec un F muet. Ah, ben, c'est sympa. Je trouvais ça cute. Ouais, c'est joli. Oui. Donc voilà, c'est Kinky Sexy Time, la chronique qui s'adresse à un public plus ou moins averti. Donc on fait des choses un peu comme dans C'est un fait, mais version un petit peu plus sexuelle. Ah. Ça va être belle fun. Et commençons avec des faits en rafale, qu'en dis-tu? Je suis prêt. T'acquiesce. Savais-tu que l'engin féminin, communément appelé par son vrai nom, est en forme de petit os, t'sais, wishbone, là, comme les os de poulet. Pour faire un vœu. Pour faire un vœu de dinde ou de poulet. Celui qui prend le plus gros morceau, ben, son vœu est réalisé. C'est ce qu'on dit tout le temps. Donc, entre 3 pouces et 4 pouces et demi de long. OK. Pour cet engin féminin. Il y a une mascotte pour le... comment dire? La cause du cancer des testicules. Oh. D'accord? Qui s'appelle Monsieur Balls. Aussi connu sous le nom de Señor Testiculo. Señor Testiculo. C'est un peu comme quand tu essaies de parler en espagnol, là, tu dis de cerveza, oui. Por favor, de comme, al baño. Comment je peux dire je veux une sangria? Ah oui, sangria. Ah, sangria. Comment est-ce qu'on prononce ça? Google Translate, si oui. Au parleur, pour savoir sangria. Sangria. Oui. Señor Testiculo. Señor Testiculo. Les prostituées au Brésil, ce sera ton nouveau surnom. Ah, merci, Señor Testiculo. Les prostituées au Brésil. Suite des cours d'anglais gratuitement pour qu'ils puissent fournir un meilleur service aux touristes pendant la Coupe du monde de soccer. Logique. Ça a bien du sens. Sangria. Sangria. Il y a un club de livres à New York, OK, à l'extérieur, topless, OK, pour aider à la désexualisation des seins des femmes. Donc, ils ont parti un book club, donc un club où les gens parlent du livre qu'ils ont lu, sans vêtements du haut, dehors, à New York. C'est cool quand même. Oui. Ah ouais. Une femme a déjà... Les livres deviennent vraiment intéressants tout à coup. Tout d'un coup. Ouais. Tout de même. Il y a une femme qui essaie de poursuivre Nickelodeon. Tu connais Nickelodeon, ceux qui fabriquent un paquet d'émissions de télé pour enfants qui jouent à Brack TV, entre autres. Disant qu'elle n'était plus capable d'avoir des relations sexuelles parce que Mark Summers, l'animateur de l'émission Double Défi, en anglais Double Dare, on a eu ça au Québec, Double Défi, dans les années, je crois, 90. Mais bref, parce que Mark Summers lui avait lancé une tarte dans la face, dans le visage, dans l'émission Double Défi. Et elle a poursuivi Nickelodeon pour dire je peux plus avoir de relation parce que maintenant je m'imagine Mark Summers en train de lancer une tarte dans la face, je sais pas. Eh ben, bizarre quand même. Ça. Quand même, oui. J'espère qu'elle a pas gagné. Ben c'est ça, à Double Défi, ben non, je sais pas. Non. La pornographie indienne, donc hindoue comme on dit, je crois, bref, est très populaire en Inde, au Nigeria et dans le New Jersey. Le New Jersey, le seul état où le mot Indian est dans le top 10 des films les plus loués, des trucs les plus regardés sur Internet, sur la pornographie hindoue. Eh ben. Plusieurs personnes qui font de la pornographie, encore une fois, utilisent ce qu'on appelle Caverjet. Là, on parle des hommes. Donc, ils utilisent Caverjet, qui est un médicament qu'ils injectent directement dans leur engin masculin pour réussir à garder une érection longtemps. Tu sais, on se demande c'est ça comment ils font. Truc. C'est Caverjet. C-A-V-A-R-J-E-T. En vente dans toutes les pharmacies. Sur eBay, peut-être. En moyenne, tiens, on parle encore de pornographie masculine ici. Faire de la pornographie hétéro, c'est entre 500 et 60 $ le prix qu'ils vont se faire payer par film. Alors que la pornographie gay, ça va payer 3 fois ça. OK. Quand même, j'imagine, parce que c'est un rôle de composition. Ça dit « the average rate », donc pour faire juste un film pour nous. C'est ce que j'en comprends. Ça doit dépendre, il y a sûrement une échelle de salaire par rapport à la popularité, ou peut-être la grosse compagnie, ou si t'es un grand nom. Ou la grosse. Ou un, ouais, c'est ça. Mm. T'es un grand nom, regarde. le mot de porno le plus recherché aux États-Unis, qu'est-ce que c'est selon toi, sur Internet? Porno. Porno, il va falloir être un petit peu plus spécifique quand même. Spécifique... C'est MILF. Mother, I'd like to fudge. Oui, je l'aurais pas deviné. Le deuxième, c'est adolescente. Ah. Teen. Ben, tu sais, adolescent en général, pas goffy, juste adolescent en général. Quand même. Ensuite, qu'est-ce que l'hétérophobie? La peur des gens hétéros. C'est exactement ça, c'est la peur des gens hétéros. Deux points à vie. Oui. Au bat. Oui. Oui. Deux ou trois. Je viens de me frapper un circuit. Pas pire. Ouais, ouais. C'est ça. Court circuit. Mais c'est pas la première fois que je l'ai. Non, c'est ça. Au moins 3-4. Ouais. D'après moi, depuis. Mais ça se compte pas. C'est pas plus qu'une fois par semaine. Non, non. Ouais, quand même pas. Mon quota est atteint. Quand même pas. Donc, on va revenir avec une deuxième partie de Kinky tantôt. Okay. Pour l'instant, vu qu'on a le temps aujourd'hui, petite pause musicale d'intermission ou entre parties. Voici, parce qu'on n'est pas fait en bois, squelette de bois de Jacques Mahard. C'est fou! C'est Kinky Sexy Time! Trouver sur une plage. Jacques Mort et Squelette de bois à Assemblage Requis. C'est toujours Kinky Sexy Time, JP. Ben, oui. Essaye pas de t'en sortir. Là. on sort pas avant que ce soit fini. Tu sais, une blague de sexe encore. Au Japon, on s'en va au Japon. Je sais. Oui, malheureusement. Je sais qu'on s'en va au Japon, mais tu sais, on est dans l'avion. Donc, au Japon, ils ont un problème avec les gens dans le métro et dans le train. Les femmes et les hommes se font pogner les fouit-fouit. Ils se font pogner ça dans les trains et les métros. Tellement que c'est devenu un problème. Et ils ont dû faire des wagons, si on veut, qui sont femmes seulement. Ah! Par les heures de pointe. C'est vrai. Puis dans le métro, ça a l'air que tu peux demander de sortir entre deux stations. Entre le 89.1 FM. Et le... Donc, un sondage de... Ça fait pas de sens. C'est... Non, ça fait pas de sens. C'est comme l'autobus. Donc, un sondage de jeunes étudiantes japonaises nous révèle que 70% disent avoir été touchés de façon inappropriée dans le train. Donc, pour combattre ça, c'est ça les compagnies de train et de métro qui ont converti certains wagons pour femmes seulement. D'autres cibles... Des gens qu'on appelle c'est du groping, ça, se faire pogner les seins ou autres endroits. C'est entre autres les stationnements pour vélo, parce que les gens doivent se pencher pour barrer leur vélo, donc ils se font toucher les fesses. C'est à ce moment-là que ça se passe. C'est une petite surprise, quand même, c'est quelque chose, c'est au Japon. On revient à la porno, on a parlé beaucoup de porno en première partie tantôt. Les acteurs d'Hollywood portent des cock socks, des petits bas. Des fois, il y en a pour le grand public, c'est comme le Willy Warmer qu'on peut voir sur assemblagerequis.com. Donc, le Willy Warmer ou le cock sock, c'est un petit sous-vêtement fait pour aller par-dessus l'engin masculin et la poche, le sac. OK. Donc, on dit que à Mirkopalj, en Croatie, ils ont tricoté des protecteurs à l'époque. Traditionnellement, c'était porté par les hommes pendant les mois hivernaux pour éviter d'avoir une congélation des condiments, si on veut. Donc, ça a été aussi porté en Norvège où on appelait ça un forheis, un valakot ou un suspensorium. Un suspensorium. J'aime pas vraiment ça. La nouvelle toune de Pierre Lapointe. Pierre Lapointe. Au suspensorium. Donc, c'est ça, dans le musée de culture, d'histoire culturelle de Norvège, où on voit ces cock socks-là. C'est ça, on disait même que c'était fait de fourrure d'écureuil, avec le côté fourrure à l'intérieur. Oh. Tu comprends? Donc, la peau à l'extérieur, la fourrure à l'intérieur. C'était porté en dessous du cuir. Pour des sous-vêtements de cuir pendant l'hiver. Ben oui, vraiment, c'est tout pour plaire. Génial. Les acteurs à Hollywood donc portent des cock socks pendant les scènes de nudité pour empêcher leur truc d'être vu ou d'être touché. On utilise ça aussi dans des films, par exemple Friends with Benefits avec ça c'est bien celui avec Justin Timberlake, celui-là je crois. Non, ça c'est No Strings Attached. Deux films pareils, hein, ça. No je Strings sais pas. Attached et c'est pas Friends la première fois qu'on voit ça, deux films pareils. Non, c'est ben non, c'est ça. C'est, on pourrait quasiment en faire un palmarès. Plus tard ou demain. Oui. Ensuite, le tiers du Kama Sutra parle de sexe. Ah. Mais de quoi parle le reste du livre, tu me demanderas? D'amour. D'amour et d'eau fraîche. Donc, on croit beaucoup que le Kama Sutra, c'est seulement rempli de positions sexuelles pour rendre votre vie sexuelle un petit peu plus intéressante. Ben, c'est vrai, il y a ça entre autres, mais c'est aussi un paquet d'autres choses. Pas seulement un manuel pour les orgasmes. Donc, une grande portion du guide est faite pour les nouveaux amoureux, les couples mariés, pour qu'ils vivent une belle vie, qu'ils aient une relation plus heureuse et plus remplie d'amour. Certains chapitres parlent des quatre buts de la vie. OK. La terre, le feu, l'eau. L'eau. Et, ouais. Ouais, c'est ça. Je suis pas sûr. Bref, les quatre buts sont le dharma, qui est donc la vie virtueuse, le artha, qui est la prospérité matérielle, le kama, qui est l'esthétique et le plaisir érotique, et le moksha, qui est la libération. Donc, d'autres informations dans ce livre-là, c'est que les dessins qu'on voit dans le Kamastra, c'est très connu, les dessins et les positions. C'était pas là dès le départ, ça. Au départ, c'était seulement des textes. Oh! Donc, tu savais pas comment les analyser, des fois. Ouais, ça peut être quand même plus difficile. Moi, la jambe par-dessus, la jambe droite, comme un twister. Un bretzel. Un twister, pas de tapis, puis pas de roulette. Pas de tapis, pas de roulette, pas de couleur. Ouais. Pas de main, pas de bras. Pas de... l'invention de l'autopilote a mené à la création de ce qu'on appelle le Mile High Club. Est-ce que tu connais le Mile High Club? Non. Ça, c'est quand t'es un amateur d'avion, que tu fais des voyages et que tu accumules les air miles, comme dans tu vas dans les toilettes et tu copules à souhait. C'est à peu près ça, ça s'est bien défini. Donc, ça a commencé ça avec l'invention de l'autopilote, qui donnait évidemment aux pilotes d'avion plus de temps libre soudainement, et en même temps, Caroline, c'était plus sécuritaire pour les passagers dans l'avion parce que l'avion roulait tout seul, planait. Façon de parler, c'est ça, tout seul. Donc, les pilotes avaient plus de temps libre, plus de choses à faire avec leurs mains et leur corps, hein. Et l'inventeur de l'autopilote a bientôt tiré profit de ces possibilités-là. En se promenant, en donnant une leçon, en fait, une femme mariée, une leçon de vol à une femme mariée, pendant leur mésaventure, ils ont réussi à éteindre l'autopilote avec un de leurs membres quelconque. Ils ont envoyé l'avion directement dans le Great South Bay. Donc, ils ont fait un crash complet. Ils ont été sauvés, donc pas de mort. Mais l'inventeur et son étudiante étaient complètement nus. Ils ont réussi à trouver l'explication, à dire l'explication. Mais Colin, c'est à cause de l'accident avec le vent, ça nous a enlevé nos vêtements à cause d'explosion, tu sais. Ben oui. C'est crédible. Ça fait de sens. Ça, ouais. J'ai glissé dessus. J'allais aux toilettes, j'ai glissé, mes vêtements sont tombés. Lui aussi était nu, puis on a fait l'amour. C'est ça. Malencontreusement. Un petit mouvement de va-et-vient à cause des vibrations de l'avion. Ça. Ouais. Ça m'appelle quand t'es allé à ton entraînement de directeur général grade 3. Oui. Et que t'es revenu, puis on entendait des affaires de golf, puis des applaudissements. Moi, j'entends ça dans un péripétie de GP, c'est basé sur des faits vécus. Mais oui. Ça a l'air aussi vrai. T'sais. Tu disais, hey, crime, je suis content de ma job sur le terrain. Tu parlais clairement de golf. De c'est fou. Non, de c'est fou. De balle. Mais non. De c'est bâton. Ouais. Comment? De trou. Aide-toi, man. De caddie. Il y a un village où les pères construisent des cabanes à sexe pour leur adolescente. Ce qui est pas fou. Ce qui est pas fou du tout. C'est comme un Pizza Hut, mais à la place, c'est un sex hut. Donc, croûte farcie. Croûte farcie. Ah, oh, ça, c'est bon, ça. Ah. Un petit peu de beurre. Oui. Sauce ranch. OK. Donc, dans certains endroits dans le monde, le sexe avant le mariage, c'est considéré comme un grand tabou, évidemment. Donc, que l'adolescente passe la nuit avec un étranger, son copain. Donc, pour être improbable. Mais un village au Cambodge. Dans un village au Cambodge, les pères vont vraiment encourager leurs filles à avoir des relations en construisant des cabanes à sexe. Les membres de la tribu Krung, K-R-U-N-G, Krung, au nord-est du pays, du Cambodge, croient que les femmes vont devenir plus puissantes en passant leur nuit avec un membre du sexe opposé. Okay. Donc, évidemment, tout le temps, sexe opposé. Hein? Certains pays, c'est comme ça. Donc, quand une fille arrive au début de son adolescence ou même avant, la love hot, sex hot, devient l'endroit où rencontrer des garçons et décider un jour de son élu, si on veut. Donc, la tribu croit que cette pratique ancienne est la meilleure façon pour les filles de trouver leur futur mari. Ben. Intéressant. C'est un peu plus... c'est moins subtil, par exemple... Oh, ce soir, je dors dans la cabane. tu sais tout le temps. Ouais. La petite cabane, ça se fait aller. La petite cabane du tomono. Ce serait un beau nom composé aussi, tu sais, cabane. C'est comme cabane, Sophie, Anne, mais cabane. Oui. Maintenant, tu sais, parlons d'une autre fille qui s'appelle Anne, mais c'est Ania Lizuska. Une femme de 21 ans, en fait, étudiante en design de Varsovie, ça c'est, je crois, en français. Qui part en quête épique pour trouver 100 000 hommes avec qui coucher d'ici le mois de mai. OK. 100 000. 100 000 hommes. Bonne chance, parce qu'elle est présentement à 1000. Elle a seulement 1% de fait. Pour se rendre à 100 000 hommes, Lizuska va devoir avoir des relations pendant 33 000 heures ou 3,8 ans, 24 heures par jour, 7 jours semaine, sans pause pour manger, dormir ou se nettoyer, bien sûr. Elle dit qu'elle a passé au moins 20 minutes avec chaque homme. Le plus qu'elle a passé avec un homme, avec le plus grand décompte d'hommes, c'est 35 hommes en 8 heures. 35 hommes en 8 heures. C'est un bon shift. C'est quand même beaucoup. Et un bon shaft, probablement aussi. toutes les races, les nationalités, les religions sont bienvenues dans sa, j'imagine, sex hot, elle aussi. Religion friendly. Oui, cock friendly, cock-a-doodle do bitches. Donc, c'est ça, ses ressources financières sont limitées et elle ne charge pas pour les relations sexuelles. Donc, elle cherche des sponsors, comme diraient les Français, des commanditaires qui vont l'amener par avion, peut-être via le Mile High Club, va pouvoir monter son quota un petit peu, mais l'amener dans d'autres pays pour en échange de sexe. Eh bien... C'est Ania Lizuska, si vous voulez la chercher. Ania, L-I-S-E-W-S-K-A. Pour une réservation, le 1-819. Elle, littéralement, quand on la poke sur Facebook, c'est qu'on veut des oui, relations. C'est ça. Un couple qui avait des relations dans l'hôtel du Skydome. Tu connais le Skydome? Non. C'est le Rogers Center. C'est anciennement connu sous le nom de Skydome. C'est un stade à Toronto. OK. Bref, au Canada. Toronto, Ontario. Oui. Voisin du nord, du sud, de l'ouest, du par à gauche. Avec une frontière commune. Commune frontière. Donc, le stade qui accueille évidemment les Toronto Blue Jays, l'équipe de football aussi, les Toronto Argonauts. Le stade qui est fait pour que le toit, qui est ajustable par rapport à la météo. Ben c'est ça, il y a un hôtel autour de ça. Il y a un hôtel en haut, des chambres d'hôtel. OK. Genre autour du toit du stade. Ces hôtels-là qui ont des miroirs à double sens. Comme dans les stations de police. Oui. Où, tu vois. Tu vois, mais eux ne te voient pas. C'est le contraire, en fait. Double sens veut dire que tu vois dehors. Attends un peu. Tu vois. Tu te vois. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est pareil comme ma police, mais à l'envers. Ouais. Fait que toi, tu vois un miroir, tu te vois toi-même, mais les gens dehors pouvaient voir à l'intérieur. Hein? C'est ce que je sais pas, c'est ça. C'est ça que je comprends. Mais ça fait pas de sens. Non, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Ça doit être l'inverse. Non, c'est ça. C'est vraiment, je pense que c'est double sens. Dans, je sais pas, je comprends pas. Two-way mirror, c'est ce que ça dit. Donc, les invités de l'hôtel croyaient que les miroirs que tu pouvais voir dehors, mais que tu pouvais pas voir à l'intérieur. Donc, résultat, les couples avaient des relations sexuelles contre la fenêtre, mais eux, dans la foule, pouvaient voir dans les chambres d'hôtel. Donc, les gens s'appuyaient contre la fenêtre pour avoir des relations. Et le public du stade pouvait les voir. Bref, c'est on ça. Est, on est loin du petit cœur. Tu sais, mettons, quand t'es dans un stade, là, pis ils te filment, pis là, il y a un cœur, pis il faut que t'embrasses la personne à côté. Ben, c'est ça. Là, ils sont en train de... C'est ça le punch de l'histoire, en fait. Ah! Pour vrai, Mathieu, c'est vraiment m'excuse. Ça. Non, c'est parfait, ça me dérange pas du tout. C'est vraiment ça, c'est qu'à un moment donné, ils ont affiché les relations sur le Jumbotron pendant une partie de baseball. C'est vraiment ce que l'article me dit ici. Et il y a un gars aussi qui était en train de se toucher lui-même dans sa chambre d'hôtel devant la fenêtre. Il a été vu par des dizaines de milliers de personnes. Et quand on lui a demandé pourquoi il faisait ça, ben, il pensait que le miroir était à sens unique. Ah, oh, pauvre donc, gars. Donc, moi, ce que j'en comprends, miroir à sens unique, le gars, il pensait que c'est un miroir à sens unique dans le sens qu'il se voyait se toucher lui-même ou le couple se voyait en train d'avoir des relations, mais le public pouvait voir à l'intérieur. Pouvait voir. Moi, c'est ce que j'en comprends. Mais c'est quand même c'est étrange. C'est vraiment bizarre. Et depuis ce temps-là, les invités de l'hôtel doivent signer une décharge. Comme leur quoi, ils peuvent être vus. C'est ça qui peut. Qui, s'ils ont des relations, mais quand même, le stade va voir ça. Ouais. Au lieu de juste changer les fenêtres de bord. Ouais, finalement. Pour coûte moins cher. Ouais. Mais j'imagine que si tu changes les fenêtres de bord, le miroir avec les reflets du soleil pourrait aveugler les gens. Peut-être. Je sais pas. Mais bon, il y a sûrement une raison pour ce miroir-là à double sens. Oui. Maintenant, tiens, un homme est mort d'une attaque cardiaque après avoir pris trop de Viagra. Oh. Sergei Tuganov, un russe de 28 ans, qui cherchait juste à s'amuser, d'accord, il a accepté une gageure de ses amis, en fait de deux de ses amis de filles. Qui ont gagé à Sergei 3000 livres, qu'il allait être capable de les satisfaire pendant 12 heures de suite. Donc, Sergei a accepté cette gageure-là, mais il avait besoin de quelque chose pour, évidemment, rendre ses hormones, c'est remettre ses hormones dans le tapis. Il aurait pu utiliser le... Qu'est-ce qu'on a utilisé tantôt? Les gens qui font du porno, là? Oui, le Wee Warmer. Oui, exactement. Le coq-sac. Oui, le coq-sac pour se tenir au chaud entre deux runs. Donc, quelle meilleure façon, évidemment, que d'avaler une bouteille complète de Viagra, c'est ce qui s'est dit. Ben oui. C'est bien logique. Mais finalement, le Viagra l'a aidé. Il a réussi à avoir des relations avec les deux femmes pendant 12 heures de suite. Et c'était probablement un des hommes les plus heureux de la planète qui avait gagné 3000 livres. Malheureusement, avant de pouvoir encaisser son prix, il est tombé par terre. Il y a eu une attaque cardiaque. Il a été prononcé mort par les paramédics qui sont arrivés à l'endroit où ça se passait directement. Une pilule de Viagra, on dit, ça peut mener à une attaque cardiaque, de la diarrhée, maux de tête, congestion nasale. Donc, imaginez une bouteille au complet. Ouch. Maintenant, il y a un championnat qu'on appelle, une compétition en fait, qui s'appelle World Air Sex Championship. OK. Comme la air guitar, mais air sex, t'as bien compris. Oui. Ouais. Donc, les participants doivent simuler, pas stimuler. Simuler du sexe avec un amoureux ou une amoureuse invisible. C'est en partie romance, en partie comédie, donc humoristique. Les participants performent sur la trame sonore de leur choix, un peu comme au patinage artistique, on choisit sa chanson. Ils doivent inclure la rencontre de leur partenaire, la séduction, les préliminaires et la relation complète. Waouh! C'est beaucoup de choses. Est-ce que c'est disponible sur YouTube? Ah, probablement. Ou sinon sur RedTube, je pense, l'équivalent oui. Sexe. Donc, ça a commencé au Japon, évidemment, plus spécifiquement un bar de Tokyo. En 2006, un groupe d'hommes japonais célibataires performait des simulations sexuelles. En même temps, ils performaient du karaoké. Donc, tu chantais en même temps. You shook me all night long. Bang, bang, bang, bang. Pour some sugar on me. Pour some sperm on me. Donc, un humoriste a vu ce clip-là en ligne. Et bien, c'est ça. Il s'est dit qu'il va mélanger ça avec un petit peu de concours de air guitar. Les juges avertissent les participants, évidemment, de ne pas se mettre nu. Pendant leur relation sexuelle invisible. Ben oui, c'est important. Quand même. Chaque performance, comme le vrai sexe, doit se terminer avec une fin, donc un orgasme. Ah. Pourquoi pas. Ensuite, un homme de 81 ans a convaincu deux femmes. Ça revient un petit peu au début de la chronique, ben, de cette deuxième partie de chronique, où on parlait de groping, toucher la poitrine et les fesses. Donc, un homme de 81 ans a convaincu deux femmes de les laisser se faire toucher par cet homme-là, par lui-même. C'est Philip Winnicoff. Qui avait 76 ans à l'époque, qui jouait le rôle d'un physicien, donc un médecin porte-à-porte. Il se promenait dans sa ville de la Floride, le beau pays, ben oui. De la Floride, et offrait des examens de sein, de poitrine, okay. À des femmes qui ne s'attendaient pas à ça. Donc, Philippe était très convaincant. Il y avait une petite étiquette de nom. Ça disait docteur sur sa blouse, sa chemise, son sarrau, si on veut. Une femme de 36 ans vivant dans un bloc appartement, s'est laissée avoir, a invité le faux docteur dans son appartement pour performer l'examen. Quand Winnicoff a touché à un de ses seins et ensuite a touché à son entrejambe avec sa main nue, pas de gants, la femme a rapidement réalisé que c'était évidemment pas un physicien. Elle a appelé la police Et quand la police est arrivée à l'endroit, le faux docteur était déjà rendu dans une autre maison, mais dans le même complexe. Et lui aussi a réussi à toucher à ses seins. Donc la police était en route et il a quand même continué. Il a eu le temps. C'est quand même fou. Là. Impressionnant. Il a pas froid aux yeux. C'est ça. Pour son âge. Il a pas froid aux yeux, il a pas froid à nulle part. Il y a un Willy Warmer. Mais il y a tout. Il y a chaud à l'entrejambe. Et on termine en Australie. En Australie. Où le gouvernement australien a décidé de bannir les publications pour adultes qui mettaient en vedette des femmes avec des petits seins. OK. Peut-être en avez-vous déjà entendu parler dans cette chronique-ci, mais plus de détails cette fois-ci. Même si la femme a plus de 18 ans, c'est parce que ses petits seins ont l'air plus jeunes. Donc, la pornographie, dit-on, en Australie, est illégale avec des femmes qui ont des petits seins parce que ça ressemble à de la pornographie plus juvénile, infantile. Eh bien. Donc, le gouvernement australien croit que les petits seins dans la pornographie encouragent la pédophilie au lieu des attentes réalistes qu'on pourrait avoir envers les seins des femmes. La loi a été amenée pour bannir les photos des femmes qui ont juste l'air d'avoir moins de 18 ans, mais qui n'ont pas moins de 18 ans. Donc, c'est ça, la loi. Ceux qui sont du côté de vouloir bannir ça disent que les femmes... Attends un peu. C'est ça. Non, c'est ça. En tout cas, bref, on dit que les femmes de 40 ou 50 ans vivront jamais ça, même s'ils ont des petits seins. Hein. C'est vraiment juste pour les femmes qui sont peut-être un petit peu plus jeunes. Mais c'est ça, qui ont l'air, c'est ça. Mais quand même, c'est ça, ça reste un type de corps, un type de sein qui existe dans la vraie vie, même quand t'es majeur. Fait que la question d'attente, c'est un peu n'importe quoi. Ouais, quand même. Fait que là, tu t'attends absolument à ce qu'une femme ait des gros seins. Fait que toutes les femmes qui ont des petits seins, c'est quoi, ils n'auront pas de futur amoureux? C'est quoi? Ben, c'est ça. C'est n'importe quoi. Chirurgie. Chirurgie. Non, non, non, non, non. Hey, wow minute. Wow minute. Donc voilà pour King Sexy Time. Ah, intéressant. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de con de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Plongeons dans le dîner de con un certain midi cette semaine. Je vous parle d'un jeune Américain de 12 ans qui a inventé une imprimante braille et tout ça en Lego. Donc, Shubnam Banerjee, quelque chose du genre en tout cas. Hein. Est-ce qu'on peut appeler un petit génie? À seulement 12 ans, cet Américain est déjà l'inventeur d'une imprimante braille. Celle-ci a la particularité d'être fabriquée à partir d'une boîte de Lego Mindstorm, la gamme robotique programmable de la marque. L'adolescent, élève de 5e en Californie, y a adjoint quelques punaises et a programmé la machine pour qu'elle perce des caractères en braille. L'imprimante n'est encore qu'à l'état de prototype. Et dans cette vidéo postée sur YouTube, le jeune Américain nous fait la démonstration de son imprimante en imprimant le mot « chat ». Shubnam Banerjee a même un nom pour son invention et il appelle ça le « Braille-Go », contraction de braille et de Lego. Seulement, l'originalité du projet réside moins dans son matériau de construction que dans son coût. En effet, une imprimante braille classique est vendue pas moins de 2 000 $. La Braille-Go que le jeune homme a construit, eh bien, coûte en fait 350 $, le prix de la boîte de Lego plus 2 millions de personnes dans le... OK, non, c'est ça, la boîte de Mergo. Et là, c'est ce qu'on apprend, c'est que plus de 2 000 millions de personnes dans le monde sont aveugles. 90% d'entre elles vivent dans des pays en développement. Alors, c'est ce que note l'adolescent sur sa page Facebook dédiée à son invention. Les plans d'imprimante et le programme développé par Shubnam Banerjee sont d'ailleurs en open source afin d'en faire profiter un maximum de personnes. Et il est assez brillant, le jeune homme. Là. On peut pas... on cherche autant des Américains, là, mais il y a le pire et il y a le meilleur, on peut le voir. Ici, tiens, on a beaucoup de monde qui ont le rhume, la grippe, etc. Ben, pas aujourd'hui. Là, aujourd'hui, c'est la journée d'été parfaite. On est super bien. Mais ce qui est intéressant, c'est un top 6 que je vais vous faire à l'instant des épidémies les plus étonnantes qui ont eu lieu, finalement, dans le monde. Premièrement, en 1518, il y a eu une épidémie d'encente. Eh bien oui, vous avez compris, l'épidémie la plus cool finalement du classement, c'est une épidémie de danse. En juillet 1518, à Strasbourg, une femme nommée Frose Trophéa se met à danser toute seule au milieu de la rue. Un mois après, ils étaient 400 à le faire sans trop savoir pourquoi et sans jamais s'arrêter. Certains décédèrent même d'épuisement, d'autres de crises cardiaques ou même d'accidents vasculaires cérébraux. Bref, ça dansait solide. L'épidémie s'estompa doucement sans que personne ne comprenne vraiment ce qui s'était passé. Le Harlem Shake n'a finalement jamais inventé, n'a pas inventé grand-chose. Donc, c'est étrange, mais on ne sait pas pourquoi du comment. Mais c'est arrivé en 1518 à Strasbourg, mais on n'était pas là pour le vérifier. faut le dire. Autre épidémie assez étrange, une épidémie de fou rire. Et ça, ça a eu lieu à Tanganyika, oui, en 1962. OK, ça fait un peu moins longtemps, un petit peu, pas mal. Un peu plus sympathique qu'une épidémie de peste noire est une épidémie de fou rire. C'est ce qui est arrivé au village de Kashana, en Tanzanie, en 62. Trois jeunes filles ont commencé alors à rire, très vite suivies par toute leur classe. Le fou rire s'est répandu dans toute l'école et certaines jeunes filles ont ri même pendant plus de deux semaines, forçant l'école à fermer. Les médecins ont qualifié cette crise de maladie psychogène de masse, d'autant qu'après la fermeture du pensionnat, le rire s'est propagé dans plusieurs villages aux alentours, touchant plus de 1000 personnes sur une période de 18 mois. Donc un beau bordel, mais de quoi remplir 30 émissions de petits bêtisiers, hein, où ce qu'on aime bien regarder les gens rire. Assez particulier. Troisième épidémie, une épidémie d'évanouissement, et ça a eu lieu en Cisjordanie. En 1983, c'est souvent le cas lors d'une épidémie générée par des hystéries collectives. Les femmes sont les premières, voire les seules victimes. Ça, c'est drôle. Ce fut le cas en 1983 en Cisjordanie, quand de nombreuses adolescentes palestiniennes commencèrent à se plaindre de vertiges et d'évanouissement, de même qu'un petit nombre de soldates israéliennes. Au total, l'épidémie va générer 943 hospitalisations sans que personne ne comprenne ce qui se passe vraiment. Avant que les médecins ne concluent à un phénomène psychologique, Israël a des Palestiniens des Palestiniens pensant à une attaque terroriste aux armes chimiques. Cette paranoïa nourrie par les deux camps n'a fait qu'empirer la propagation de la panique, fonctionnant exactement comme l'épidémie du fou rire de Tanganyika. Les hommes sont complètement fous, donc c'est très drôle. Sinon, ici un virus, le virus des fraises au sucre. On ne comprend pas. Donc, virus aussi appelé virus du soap opéra, le virus de Morango comme Axuçar en portugais. C'est une épidémie qui a eu lieu en 2006, très particulière, puisqu'elle trouve son origine dans une série télé du même nom. Dans un des épisodes, des adolescents sont victimes d'un virus incluant des problèmes respiratoires, des démangeaisons et des vertiges. En une semaine, les symptômes télévisés se sont retrouvés chez 300 lycéennes dans 14 établissements différents. Et si quelques étudiants souffraient d'allergies réelles, tous les autres n'ont fait qu'imiter inconsciemment le virus vu à la télé. Et on a encore bien dit, hein, 300 lycéennes. On dirait que c'est une caractéristique très, très féminine, tout ça. Ici, c'est quoi ça? Épidémie de pare-brise à Seattle en 1954. Une épidémie de pare-brise. Si on quitte ici les symptômes physiques, l'épidémie des pare-brises de Seattle est pourtant bien une hystérie collective. Le 15 avril 1954, des automobilistes de l'État de Washington commencèrent à constater des dizaines de petits trous dans leurs pare-brises. Très vite, la presse a relayé l'affaire et les témoignages se multiplient. La police reçoit près de 3000 coups de téléphone et on blâme les pluies acides, les essais nucléaires, des particules de charbon, des sondes sonores supersoniques et même des gremlins. Tout ce boucan pour que des scientifiques affirment quelques jours plus tard l'horrible vérité. Il ne s'agit que d'impacts liés à du gravier ou à l'usure qu'ils avaient toujours été là, sauf que personne ne les avait remarqués et que les habitants de Seattle se sont donc montrés bourrichons pour rien. Un vaste cas d'illusion et d'hystérie collective. Vraiment très particulière. Et dernière épidémie, eh bien une épidémie d'encéphalite léthargique. Cette épidémie d'encéphalite très rare, aussi appelée maladie du sommeil européenne, et ayant touché le monde pour la dernière fois entre 1915 et 1926, serait similaire à celle ayant mené à l'hystérie collective et au procès de sorcières de Salem, bien sûr, en 1692. Ces encéphalites laissent en effet des patients figés, privés de parole et de mouvement, tels des statues, ce qui, en 1692, passait sûrement pour des effets de magie noire. Du coup, on voit les filles au bûcher. C'est assez intéressant, ce top 6 des épidémies, pour le moins saugrenu. Ici, un autre truc assez saugrenu, c'est un Allemand qui a décidé de mettre son sexe dans une casserole remplie de nouilles. Et il s'est brûlé. La nouille, c'est clair. Donc, oui, pourquoi on se le demande? Un jeune homme de... Je pense qu'il n'y avait pas de rien pour brasser ses nouilles. Fait qu'il a utilisé ce qu'il y avait. Hein. Un homme de 27 ans, donc, s'est retrouvé aux urgences après s'être brûlé le pénis avec des pâtes. Vous vous souvenez sans doute de cette scène culte d'American Pie où le petit Jim se masturbe dans une tarte aux pommes. Oui, couché sur le comptoir, c'est magnifique. Eh bien, un Allemand a sans doute voulu reproduire cette sensation avec des nouilles. Les urgences de la ville de Brême ont reçu un drôle d'appel dans la soirée de lundi. Au téléphone, un homme paniqué et embarrassé explique sa mésaventure. Il vient de se brûler le sexe dans une casserole remplie de nouilles brûlantes. Maudit épais! Sérieux! Dis-le pas! Non, non, tu peux le dire. Mais bon, on parle de toi aujourd'hui au Dîner de cons. Les secours racontent cette intervention pour le moins insolite dans le magazine Build. Et je le cite. Donc, à notre arrivée, nous l'avons trouvé dans une salle de bain, le sexe en main, en train d'essayer de soulager sa brûlure avec de l'eau froide. Il nous a expliqué avec beaucoup de honte avoir introduit son pénis dans les nouilles qu'il venait de faire cuire. Il avait lu sur un forum Internet que cette pratique pouvait procurer des sensations semblables à une pénétration. Peut-être les faire refroidir au moins avant. Tête de cul. En tout cas, transporté à l'hôpital avec une poche de glace et un pénis de feu. Non, là, c'est moi qui l'ai ajouté. Les médecins lui ont administré donc une piqûre de morphine pour réussir à atténuer la douleur. Et d'ici quelques semaines, l'homme devrait pouvoir à nouveau se servir de son appareil génital. Mais s'il vous plaît, pas pour brasser des nouilles chaudes. Peut-être pas le best idée. Je pense qu'il l'a compris, par contre. Sur ce, on s'en fait une autre, tiens, une autre preuve de l'intelligence humaine. Jouer au ping-pong avec des couteaux de cuisine, pourquoi pas? si vous en avez assez de jouer au ping-pong de façon classique, voici une nouvelle méthode pour se divertir avec des raquettes, des couteaux de cuisine, des ananas, une balle et tout le reste. Donc, c'est une troupe de cascadeurs suédois qui se sont filmés pour nous expliquer comment jouer au ping-pong autrement. Pour commencer, prenez deux couteaux de cuisine, histoire de remplacer la balle. Bien évidemment, il faut savoir viser assez juste au risque de blesser ou de tuer votre partenaire. Si vous tenez vraiment à utiliser une balle de ping-pong, compliquez-vous la tâche en visant la bouche de votre adversaire. Puis pour finir en beauté, placez un ananas sur la tête de l'autre joueur et tentez à nouveau, à l'aide de votre couteau et votre raquette, de trancher l'ananas. Vous irez voir les images sur la page Facebook du Dîner de cons. Ça vaut le détour, je vous le dis. Et puis tiens, on va s'en faire une petite dernière. Là, je vois l'heure, il nous reste du temps encore. On va aller tout de suite, on va se quitter avec une pause publicitaire. Ce sont des marsupiaux qui font l'amour, eux, à en mourir. Ah, quelle belle mort! Trois nouvelles espèces de marsupiaux ont été découvertes en Australie. Mais seulement, voilà, ces rongeurs sont tellement portés sur la chose qu'ils en meurent. Donc, en 2013, ces Antechinus cousins, genre de marsupial qui ne vit qu'en Australie, avaient déjà fait l'actualité, des chercheurs ayant remarqué que les mâles mouraient massivement à la fin de l'accouplement. Je me rappelle d'avoir ici même, l'année dernière, d'en avoir parlé. Les scientifiques ont ainsi demandé à ce que l'Antechinus à queue noire, l'une des trois nouvelles espèces identifiées, soit inscrite sur la liste des espèces menacées. La découverte de trois nouvelles espèces par les scientifiques du Queensland est exceptionnelle. C'est ce qu'a expliqué le docteur Andrew Baker lors de ses travaux. Et puis, pour Andrew Baker, il est extrêmement probable que ces nouvelles espèces se comportent de la même manière que leurs cousins de la région qui étaient découvertes plus tôt. C'est-à-dire qu'ils auraient le même système de reproduction dit bing-bang ou de sémelle-parité. En d'autres termes, ils se reproduisent jusqu'à ce que mort s'en suive. Les marsupiaux passent d'un partenaire à l'autre pour des séances qui peuvent durer jusqu'à 14 heures, les amis. 14 heures de baise. Après, tu peux bien mourir, c'est correct. Il t'a fait ce que t'avais à faire. À la fin de la saison des amours, les mâles se désintègrent physiquement. C'est vraiment ce qui est dit. Courent frénétiquement à la recherche d'une ultime opportunité d'accouplement. C'est ce qu'expliquait en 2013 Diana Fisher de l'Université du Queensland. De récentes recherches citées par le Guardian indiquent que cette aptitude participe d'une stratégie d'évolution. Ces Antechinus qui font le plus l'amour sont ceux qui ont le plus de progéniture et la copulation compétitive, même jusqu'à la mort, est un moyen d'assurer la pérennité des gènes de ces mâles. Hein? Ouf! On a à apprendre des petits rongeurs. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de cons de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Jean-Samuel Gay qui est là pour sa chronique PRNDS. Bonjour à toi. Bon matin. Oh, ça a l'air en forme, ça. Oh. Ouais, je suis en forme. Je suis serein. Je suis très serein. Je me promène à Land Rover cette semaine. Arrête, non! Ouais, on devient un peu fraîchier avec ça. Ça, moi, je pourrais pas savoir de quoi tu parles. C'est pas mon genre du tout. Mais Land Rover, ça fait tout terrain, non? Absolument, ouais. Absolument. C'est une marque qui a débuté dans les alentours de 1948, après la guerre. On sait tous que quand on est plus occupé à faire la guerre, c'est plus facile de concevoir des véhicules. Une marque britannique qui a appartenu longtemps à BMW. Longtemps Ford et qui a été racheté depuis 2008 par Tata Motors. Tata Motors, on aime toujours cette compagnie-là. On l'entend parler juste quand on doit faire une blague. Tata Motors, je sais pas, il me semble, ça a l'air bizarre. Est-ce que c'est professionnel? Est-ce que c'est connu comme marque, Tata Motors? Oui, c'est vraiment un grand de l'industrie. C'est une marque indienne et le nom de Tata Motors vient de son fondateur, Ratan Tata. Ratan Tata. Ça doit être un des noms les plus populaires en Inde, c'est juste qu'on n'est pas au courant. C'est ça. Tout ce qui se passe dans ce coin-là, à part le blé, on s'en aperçoit pas, mais bien. Tout le monde a déjà entendu parler de Land Rover, n'est-ce pas? Le nom est connu, quand même. C'est ça. Avez-vous déjà embarqué dans un Land Rover? Négatif pour moi. Land Rover, dans le monde de l'automobile, sont réputés pour... Je vais vous laisser... Je sais pas, les tondeuses, on dirait, dans ma tête, ça sonne tondeuse, Land Rover, mais c'est pas ça. Hein? Non, vraiment pas. Non. Moi, j'irais pour son tout-terrain. C'est très bon. Le tout-terrain, yes. Ça serait exactement mais ça ressemble beaucoup ça. À ce que j'avais dit tout à l'heure. Là, yes. Tout-terrain, fait que j'ai comme le crédit vu que j'avais dit tantôt tout-terrain. Non. Non, en fait, j'aurais peur pour mon travail si j'étais toi. Ah, ça, c'est l'histoire de ma vie. Le Land Rover est autant réputé pour ses capacités en route exceptionnelles, puis je vous en parlerai un petit peu plus tard parce que je suis allé l'essayer dans des conditions assez intéressantes. Mais ils sont autant réputés pour leur capacité en route que pour leur manque de fiabilité, malheureusement. Ah oui. Land Rover est toujours dans le top 3 des véhicules les moins fiables sur le marché. Le Tatap 3, comme Tata. Le quoi? Le Tatap 3. Le Tatap 3. J'essaierai Tata encore. Tireur 1, mais mettez-le maintenant. Tireur 1, mettez-le maintenant. Donc, puis en plus, Land Rover et Jaguar appartenaient à Ford avant et on a Ford et Lincoln qui sont dans le top 4, donc dans les 4 premières positions des véhicules les moins fiables sur le marché, des véhicules qui vont vous donner le plus de maux de tête. Puis là, peut-être qu'il y a des gens qui disent « Ah, moi j'ai déjà eu un Ford, j'ai eu tel véhicule, ça a toujours bien été, la vie était belle. Oui. Mon beau-frère en a eu un, mais j'ai jamais eu de problème avec. » C'est pas grave, ça. Ça peut arriver. Puis heureusement que c'est déjà arrivé parce que sinon, ça serait encore plus décourageant pour la marque si tous les modèles systématiquement étaient d'une fiabilité absolument à chier. C'est globalement. Puis ça vaut aussi pour l'autre côté. Si jamais je parle de véhicules qui sont pas fiables et que vous pensez, admettons, hey, moi, j'ai une belle sœur, elle en a eu un, il n'y a jamais eu de problème. Ça se peut, tant mieux, c'est possible. Mais globalement, les chances en achetant ce véhicule-là qui manque de fiabilité sont plus grandes que d'autres véhicules. Le pourcentage d'échecs. Exactement, est plus grand. Puis on parle toujours de Toyota comme étant une marque hyper fiable. Ben c'est vrai, ça. C'est très, très vrai, ça fonctionne. Ah, mais moi, je connais, mais attends, t'en as un qui va pas bien. C'est ça, ça m'a fait. Ta gueule, t'écoutais pas, c'est pas ça que je disais. Ça se peut que t'attendes. Non, si tu dis ça à la personne qui dit ça, bien sûr, je dis ça à toi. Mais merci, ben non, même si tantôt, tu m'as menacé de manger mon emploi alors que t'es même pas mon boss. Exactement. C'est ça. Donc, si t'attends, t'en as un, puis qu'il y a des problèmes avec, ça se peut. Tu sais, il y a eu des problèmes de pédale d'accélérateur en 2009. Ouais, c'est vrai. C'est des problèmes qui arrivent, ça. C'est possible. Moi, là. Je laisse un café à quelqu'un, je m'attends pas à le revoir dans le morceau. Je prête un film à quelqu'un, il y a des pocs dessus, il est brisé, le papier est déchiré. Je prête un gilet à quelqu'un, il arrive avec le collet. Laisse un véhicule à quelqu'un, une espèce de bestiole mécanique complexe avec plein de gadgets, puis de trappes à ouvrir, puis de portes, puis de portières, puis de trucs. C'est le char boyard. Pendant minimum 4 ans, attends-toi ce qui arrive avec des pocs, puis que moi je trouve ça impressionnant. Que moi, sérieusement, là, je trouve ça vraiment, vraiment hallucinant de voir que des véhicules, des objets comme ceux qu'on laisse entre les mains d'êtres humains reviennent en un morceau et sont dotés d'une fiabilité parce que ça prend de la mécanique solide, ça prend des composantes solides pour pas que ça tombe en morceaux. Les deux nains dans la valise. Encore Charboyard. Je suis parti là-dessus, moi. Sur Charboyard? Ouais, Charboyard. Je vois ça bien drôle. Ouais. Donc c'est ça. Fait que je prête plus de film, puis je prête plus de gilet, puis je prête pas mon char. Chacun pour soi, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Bon. Je pense que oui. Donc, Land Rover manque de fiabilité. Pendant qu'il appartenait à Ford, c'est-à-dire de 2000 à 2008, Il composait dans le fond avec Ford et Lincoln et Jaguar le top 4 des véhicules les moins fiables sur le marché, puis c'était toute la même compagnie. Let's go, les gars. Lâchez pas. Courage. Puis là, c'est encore le cas, ils sont encore dans cette position-là. Mais au moins depuis 2008, Ford a vendu la compagnie à Tata Motors. La différence entre Ford et BMW, les anciens propriétaires de Land Rover et Jaguar, parce qu'en passant, quand t'achètes Land Rover, t'as pas le choix de pogner Jaguar avec. Ça vient avec, OK. Pour les motorisations V8 et tout ça, puis de toute façon, c'est d'un lot, c'est un package deal. C'est comme pogner un trio Big Mac. Aussi bien, tu sais, de te gâter comme il faut puis de l'avoir pour de quoi. Donc, quand ils ont été rachetés par Tata Motors en 2008, la philosophie de Tata était bien différente de celle de Ford et de BMW. BMW voulait avoir un tout-terrain, voulait avoir un camion, voulait avoir un X5. Fait qu'ils ont pris toute la... Parce que quand ça fait une couple d'années que tu développes un camion, t'es quand même pas pire calé là-dedans. Fait qu'ils ont pris toute la technologie de Land Rover, ils se sont inspirés de ce qu'il y avait, ils regardaient ce qu'il y avait, mais ils regardaient un peu trop, ils étaient par-dessus leur épaule. Tu sais, quand t'essaies de travailler sur ton ordinateur, ouais, t'as quelqu'un sur ton épaule qui regarde, qui sniffe, qui mêle de tout ce que tu fais, à ce moment-là, c'est dur de travailler. Puis quand tu mets pas assez d'argent, c'est encore plus dur. BMW et Ford avaient ce problème-là. Trop tout le temps par-dessus l'épaule des gens chez Land Rover et Jaguar, puis ils injectaient pas assez d'argent, donc on a vu la marque décroître avec le temps, on a vu les problèmes de fiabilité augmenter en flèche. Puis en plus, juste pour améliorer le tout, qu'est-ce qui arrive avec des problématiques électriques lorsqu'il fait très froid? C'est un quiz ce matin. Allez, répondez, dites quelque chose. Qu'est-ce qui arrive? Dépêchez-vous, on est à la radio. Comment on parle? Oh, ouais. C'est pas faux. Un café à gratuit. À gagner. Ah oui, OK. Moi, je comprends. Il fait froid, les problèmes électriques, je sais pas, ça gèle, ça part pas. C'est pire que tout. Moi, je dis que c'est pire que tout. Il arrive exactement 1 million d'affaires. Il peut se passer n'importe quoi dans les troubles électriques. Tout ce qui est électrique, les fenêtres, les miroirs, l'injection, n'importe quoi. Tu peux pas mettre ta langue nulle part. Quand c'est plutôt qui le contrôle, non, même plus. Non. Ça, en général, tu devrais pas le faire. Dans même un char, pas. Non, sur l'autoroute, avec nulle part. Non, okay. Non, c'est... D'ailleurs, non, ça c'est un peu trop... Maintenant que tu m'en parles. D'ailleurs, connaissez-vous le seul endroit où on peut mettre notre langue et que ce soit accepté socialement? Hein? On donne pas cette réponse-là pour être capable de garder l'émission ici. Mais on salue Jennifer. La belle Jennifer. Ouais, fait qu'en général, gardez votre langue dans votre bouche. Et si vous avez un Land Rover, puis qu'il y a des problèmes électriques, tout ce qui fonctionne de façon électrique, puis que c'est plus vous qui le contrôlez, ça peut être assez intéressant. Ah, donc, oui, on a entendu parler de vitres qui descendaient toutes seules. Mm-hmm. Ça, c'est pas grave, le truc. Ça met de l'action. Exactement. Faites-le aujourd'hui. Oui. Essayez-le aujourd'hui, voir. Qu'est-ce que ça fait de rouler d'un véhicule qui n'a pas de fenêtre? C'est extrêmement désagréable. C'est un petit défi. C'est froid, c'est frisquet. T'as l'impression que le vent rentre et c'est le cas. Puis si les miroirs sont plus contrôlables, ça peut être dangereux. Si il arrive 1 million d'autres pépins, si le haillon décide d'ouvrir pendant que vous êtes sur l'autoroute à 120 km/h, ça peut être un petit peu dérangeant. La radio est poignée sur un poste qu'on n'aime pas, qu'on n'aimera pas. Oui. Ça, c'est le pire. Trois lettres. C'est ça, trois lettres. Trois lettres. C'est bon. Allô? Allô? Donc, une fois que Tata Motors a pris les rênes de Land Rover et de Jaguar, ils ont décidé d'injecter beaucoup d'argent dans la compagnie puis de laisser faire ce qu'ils savaient faire de mieux, c'est-à-dire des véhicules. Ce qui est pas fou. Ce qui est pas fou non plus. Qu'est-ce que la Bretagne a fait pendant des années? Ils ont colonisé des pays. C'est vrai. Ils ont colonisé l'Inde aussi. Mm-hmm. Qui a racheté l'emblème le plus britannique dans le monde de l'automobile, c'est-à-dire Jaguar et Land Rover? Tu nous en as parlé la semaine passée. Une marque indienne. Une marque indienne. C'est extraordinaire. Je me sens drôle à tous les fois. Ils doivent rire dans leur très longue barbe, j'imagine. Ouais, puis ils doivent se refaire le point dans le milieu du front. Probablement. Un peu. Lorsque le Land Rover a été refait en 2014, la philosophie c'était « améliorons-le et ne le changeons pas ». Parce que si on regarde le modèle 2013 et le 2014, c'est à peu près la même affaire. Okay. C'est quasiment identique. Ça a les mêmes formes, les lumières ont changé un petit peu, il y a des petites améliorations par-ci par-là. Puis les gens vont avoir tendance à dire « il n'est quasiment pas changé ». T'as raison. C'est à l'intérieur. Les 200 ingénieurs qui ont travaillé dessus pendant 3 ans n'ont absolument rien fait. Ils ont mis la même carcasse puis essaient de te faire à croire. Ils encaissent le chèque. Puis exactement. Ting, ting, ting, let's go, on a payé 45$ de l'heure. On encaisse ça, on s'en va voir Jennifer après ça au coin de la rue. Let's go, le party est pogné, on se fait du fun. Ces ingénieurs-là là, sont payés dans le fond pour te faire croire des choses, ben des magiciens. Tout a été amélioré sur le véhicule, puis c'est souvent le cas des véhicules de prestige. Tu sais, mettons la nouvelle Mini qui vient de sortir, qui va être prête d'ici mi-2015. Tu peux pas changer la forme tant que ça. Ça peut pas avoir l'air d'une Jetta, ça peut pas avoir l'air d'une Civic. Tu la reconnais, c'est une Mini. Faut que tu laisses le look que les gens aiment déjà. Exactement. Si les gens avaient pas aimé le look, ils l'auraient changé. Tout à fait. Ouais. Puis la plus grosse évolution qu'il y a eu, c'est par rapport à la première Mini qui date de plusieurs dizaines d'années. Puis de la version qu'on a aujourd'hui, qui est plus grosse, plus d'espace et qui fait plus moderne. Mais c'est le plus gros changement qu'on a pu voir. D'ailleurs, on salue la belle Evelyne, qui est propriétaire d'une Mini, qui nous écoute en ce moment. Ben, salut. Bonjour Evelyne, qui est très satisfaite en passant de sa Mini, car il faut être très, très joueur. Il faut apprécier la conduite pour aimer une Mini Cooper. Donc, quand on change un véhicule, il faut garder les formes en général, et surtout pour les marques mythiques, Porsche, Land Rover, Mini, puis j'irais même pour Ferrari à la limite. Ils se permettent de changer beaucoup les modèles de véhicules, mais ils gardent quand même l'essence même, puis la base de leur véhicule et leur carence sportive. Donc, pour Land Rover, beaucoup de choses d'améliorer, notamment ils permettent une... Tu peux caler le véhicule jusqu'à 90 mm. Jusqu'à 900 mm, pardon. 90 mm, c'est pas bien moins, puis ça mérite pas qu'on en parle. Non, jusqu'à 900 mm. Donc, c'est pratique pour les capacités hors route. D'ailleurs, parlant de capacités hors route, nous sommes allés dans le coin du Grand Canyon pour l'essayer l'année dernière, lors de sa sortie, mais c'était pas le Range Rover Sport, c'était le Range Rover normal. Donc, on est allé l'essayer dans la boîte, dans le sable, dans la neige, dans le gravier, etc. Et les capacités hors route de ce véhicule-là sont hallucinantes. D'ailleurs, où ce qu'on était, c'est une espèce de sentier fait exprès pour la hors route. Et ça nous prenait des guides qui nous disaient « Bon, on va tasser un petit peu à gauche, tasser un petit peu à droite. OK, t'as les deux roues qui touchent plus à ce moment. Si jamais tu tournes le volant, tu vas faire des tonneaux. Fais attention, prudence, vas-y lentement. » Et c'était une expérience assez incroyable. Et surtout avec des véhicules comme ça, prestigieux, de luxe, c'est le fun d'avoir des bonnes capacités hors route, c'est le fun d'aller au chalet. Puis c'est très le fun la première fois que tu entends une branche qui passe de l'avant puis qui vient graffiner toute ta carrosserie sur le côté. Ah, youpi! Sur ton véhicule. Ça a l'air de 75 000 $. 75 000 $ si tu le prends de base. OK. Mm-hmm. Mais le modèle régulier qui est dans le fond pas sport, là, mais moi je pensais que pas sport ça veut dire genre paresse, là, si on veut. Genre, route non, absolument. Normale, mais toi t'es allé vraiment dans des conditions quasiment au-delà de sportives. Pour ce qui est du hors route? Ouais. Disons que c'était les... disons qu'ils ont fait exprès de nous montrer toutes les capacités que ce véhicule-là pouvait avoir sur toutes les surfaces possibles. Et d'ailleurs, il y a plusieurs modes de conduite qui sont positionnés directement dans la console centrale. Donc, il y a moyen de sélectionner gravier, neige, ah ouais, okay. Sable, terre, roche. Fait que peu importe la surface sur laquelle vous trouvez. D'ailleurs, tantôt, tu sais, je suis arrivé directement par le CAPS, puis là, il y a une barrière. Ouais. Fait qu'on peut pas monter. Non. Je suis mis en mode snow, puis là, je suis passé sur le côté, puis c'était extraordinaire. C'était génial. Évidemment, si quelqu'un entend ça, c'est pas vrai. Là. C'est un scénario qu'on invente pour la radio pour être drôle. Là. Exactement. c'est le genre de choses qu'on dit pour être capable de démontrer les capacités hors route d'un véhicule. C'est pas extraordinaire. Parlant de capacités hors route, hier, j'ai essayé de m'enfoncer dans une espèce de piste de skidoo pour tester les capacités hors route du véhicule. Mais tu sais, il était à peu près 10h30 le soir. Evelyne est en pyjama. Puis, tu sais, j'en venais du dépanneur. On venait d'aller chercher un petit café. Puis, je me suis dit, ah, attends, je vais aller essayer les capacités en route du véhicule comme ça à 10h30 le soir sans avoir parlé à personne. Je veux pour la fun pour voir si on a failli rester pris. Ah, oh! Ouais. Hein? Ouais, parce que n'importe quel véhicule, avec les différentiels que tu veux, les capacités en route que tu veux, des pneus de 25 pouces, si tu le lèves comme ça puis que les quatre roues touchent plus, c'est fini. C'est ça, ben oui. Salut le cave. Bravo, hein. Fait que, ça a été long, vous déployer, débarquer là? Non. J'ai failli rester. J'ai déjà été pris, pas mal plus pris que ça. Je m'en suis bien sorti. J'ai, comme dirait Evelyne, je suis resté calme. J'ai reculé. Tu vas bouger de là, là. J'ai baissé mes portales longs. Exactement. J'ai fini par me déprendre, mais on ne sauve pas particulièrement intelligent quand on respire. C'est comme quand on bouche notre toilette. C'est ça. On a besoin d'utiliser le siphon. On ne sent pas particulièrement intelligent. On trouve qu'on aurait dû faire certains choix pour éviter de se rendre jusque-là. Donc, les fibres. Et voilà. Les fibres. Ça s'applique aussi pour le hors-route. C'est ça. L'intérieur, un des plus beaux que j'ai vu de ma vie. D'ailleurs, vous pouvez m'ajouter sur Facebook pour aller voir des photos du véhicule. L'extérieur, viril, masculin. J'ai essayé le Cayenne récemment qui, comme dirait la plupart des fans de Porsche, est l'emblème mythique Porsche-iste en ce moment. 50% des ventes de Porsche, donc il accorde beaucoup d'attention à ça. Je le trouve un peu plus efféminé. Oh! Regardez le Land Rover, il est juste là par la fenêtre. Je suis arrivé avec d'ailleurs tantôt. Ouvre-nous le grand rideau! Allez, regardez! Plus masculin, des formes plus carrées, un look plus assumé. L'envie d'aller se promener, avoue qu'il est sexy. quand même pas pire. De dos, là, en tout cas, j'ai pas vu de face, mais tu sais, des fois, belle de loin, loin d'être belle, tu sais comment on dit. Mais... celle-là, c'est le contraire. Okay. C'est belle. Wow. C'est belle tout court, c'est ça. Belle tout court. Ouais, juste belle. Belle point. Sexy. Au niveau de l'intérieur, j'adore. Extérieur, j'adore aussi. Motorisation, on a le droit à un V6 suralimenté par compresseur volumétrique de 380 chevaux. Sinon, le fameux V8 de Jaguar, qui est partagé aussi avec Jaguar dans les gros modèles, de 5 litres, suralimenté par compresseur volumétrique. Ça, c'est une sorte de turbo, mais c'est pas comme un turbo. De 510 chevaux. Et une très belle personnalité. Absolument. Oui, c'est ça. Faut dire, hein? Faut pas y enlever ça. Globalement, j'irais avec un 3.5 sur 5. Okay. J'aimerais ça avoir ce véhicule-là, mais j'aurais tellement peur. J'aurais tellement peur de l'avoir. Puis, tu sais, tu sors le matin, ça fait 2 heures, tu fais ton frais chier avec ton voisin. Puis là, il part pas, il va partir seul. J'adorerais avoir ce véhicule-là. Je passerais ma vie avec ce véhicule-là, mais j'aurais vraiment peur qu'il y ait des pépins, qu'il y ait des problématiques. Peut-être que si j'habitais dans un pays comme la Floride ou peut-être même à quelque part dans l'Ouest. Le beau pays de la Floride, là, comme on dit. Là, j'ai dit le pays de la Floride, je suis vraiment désolé. Merci de m'avoir repris. J'habitais aux États-Unis, okay, dans l'État de la Floride, parce que je sais que la Floride est un État. Je suis pas si inculte que ça. Si j'habitais dans l'État de la Floride, c'est plus chaud, des conditions plus favorables au maintien de la fiabilité. Peut-être que j'irais avec un véhicule comme ça, avec plus de confiance. Ou même dans l'Ouest canadien, la température est plus clémente un peu. Ici, à moins 40, il n'y a pas eu de problème pour partir. Démarrer à merveille à matin. Pour le moment. Mais c'est pas si froid que ça aujourd'hui, il faut le dire quand même. Pas si froid que ça. Il y a une couple de véhicules qui ont de la misère à partir. Je te l'annonce. Je te l'annonce. Les véhicules ont de la misère à partir ce matin. C'est pour ça que c'est important d'avoir un block heater. Tout à fait. Communément appelé un chauffe-moteur. Moins communément appelé un chauffe-moteur. Ouais. Plus tendance à appeler ça un block heater. T'appelles ça un chauffe-moteur dans le garage, puis des fois, les gens savent pas c'est quoi. Fait que c'est ça, c'est ce qui résume mon épisode. Est-ce qu'il nous reste du temps? Si t'en as, si t'en veux, j'en ai. Je peux absolument t'en donner. Je t'en donne, tiens, je t'en lance un petit peu. J'ai quelqu'un, un auditeur, qui m'a écrit cette semaine pour avoir de l'information sur une caravane. C'est pas le genre de scénario, puis en passant, je vais greffer ce scénario-là à mon histoire parce que je trouve ça drôle. Il y a un autre personnage qui m'a écrit un moment donné, puis qui m'a dit je magasine un véhicule avec beaucoup d'espace. Ma copine et moi, on a 2 enfants. On voulait avoir un 3e enfant. Et là, elle a eu des triplets. Aïe! Donc, t'as 2 enfants déjà. Tu veux en avoir un 3e, mais elle a des triplets. Fait que t'es rendu avec 5 enfants. Aïe! Pensez l'histoire, c'est j'ai 2 enfants, j'avais un 3e. Est-ce qu'il y a de la place sur le siège arrière? Oui. Fait que là, tu magasines une fourgonnette. C'est fini, là. Pour fourrer, on avait compris. Ce qui est VUS, là, c'est let's go, là. Oui, ça prend de l'espace. Ça prend de l'espace. Fait qu'il me dit, qu'est-ce que je peux avoir comme fourgonnette? Puis là, je me souvenais de cet épisode-là. Puis il y a beaucoup de gens qui ne jurent que par le Grand Caravan de Dodge, qui est selon moi les pires véhicules en ce moment. Okay, on en voit beaucoup. Il y en a beaucoup. Pourquoi? Parce que il y a un beau look extérieur. L'intérieur est de mieux en mieux. Ils leur travaillent constamment. C'est un des plus gros vendeurs de Dodge, Chrysler et Jeep overall. Pratique, Stow & Go, c'est extraordinaire. C'est les sièges qui entrent dans exactement, le... Exactement, il y a beaucoup de compagnies, il y a beaucoup de constructeurs qui offrent pas ça. Les bancs vont juste se plier. Donc, aucune possibilité de pouvoir rentrer les bancs dans le plancher. Mettre des vélos, n'importe quoi, à l'arrière du exactement. Ou enlever le siège au complet, dans le temps, oui, c'est les anciennes minivans. Évidemment, pour faire un 3e enfant, c'est oui, parfait. Oui. Tu mets les sièges dans. Oui. On se comprend. Oui. Faut l'enlever. Ouais. Mais tout le monde connaît quelqu'un qui a une grande caravane, puis tout le monde a sacré à l'époque, en 2006, quand il fallait sortir les bains, oui, ça, c'est bord de la remise. Puis là, ça rouille parce que c'est l'hiver ici. Puis... Exact, puis ça finit par être un espèce de siège pour une émission de TV sur l'automobile pendant 2 épisodes. Finalement, on fout ça aux poubelles. C'est très drôle. Ouais. Fait que les Stow & Go, c'est extraordinaire. Si vous avez à l'acheter juste pour ça, ça serait une bonne raison. Cependant, au niveau de la fiabilité, au niveau de la conduite, au niveau de la conception globale, la Honda Odyssey, je la prendrais avec 3 ans d'usure avant n'importe quelle grande caravane neuve. C'est impressionnant à quel point ce véhicule-là est bien construit, fiable, mais n'a pas le Stow & Go. Très dommage. Et c'est un désavantage qui ferait que peut-être que j'achèterais pas ce véhicule-là pour certaines familles, il accepterait pas ça. Ça serait très comprenable. Très comprenable, mais... T'sais, pensez-y un peu, là. Ça dépend. T'sais, si vous habitez au 3e étage d'un appartement avec des escaliers en colimaçon et qu'il n'y a pas de remise, je comprends là, qu'à tous les fois vous avez besoin de transporter ça. Très comprenable. Cependant, si votre priorité c'est la fiabilité, vous avez déjà eu des pépins avec la fiabilité à long terme de vos véhicules, si vous voulez sauver de l'argent à l'achat, puis que vous voulez, dans le fond, économiser sur le taux de dépréciation du véhicule, à ce moment-là, je conseille la Honda Odyssey qui va se détailler probablement à peu près le même prix que le Caravane, que la Caravane neuve, puis peut-être un petit peu moins cher aussi, mais en offrant une fiabilité encore plus grande. Donc, pensez-y. Pensez-y. Et assurez-vous d'avoir un bon garagiste qui fait du Dodge et qui est capable de réparer vos freins rapidement. Ah oui, ouais. Beaucoup de problèmes de freins sur les Dodge Grand Caravan. Les caravanes, on le dit souvent, là, mais ils ont changé beaucoup l'intérieur et le moteur. Mais c'est la barre de chocolat caravane. Elle n'a jamais changé, mais toujours aussi mauvaise. C'est au caramel, c'est comme la petite caravane. C'est pas bon, ça. Pour de vrai, je sais pas de quoi tu parles. Ils ont fait une barre de chocolat caravane. Je sens ça. Attends, tu peux. La caravane, cherche la barre de chocolat caravane. Donc, prnds.net sur Internet et sur Facebook, prnds.net aussi. Absolument. Je vous invite à visiter la page Facebook qui est facebook.com/prnds.net. Ajoutez-moi sur Facebook aussi si vous avez des questions sur l'automobile. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Sinon, j'ai peut-être de quoi vous faire tirer à matin. Mais d'abord, je veux voir s'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent. Donc, vous pouvez me texter au 418-999-6949. Textez-moi au 418-999-6949 s'il y a beaucoup de gens qui me textent, j'irais plus. OK, bon, parfait. On va faire ça. Beaucoup de gens qui me textent, je vous amène un prix la semaine prochaine, de quoi super le fun. Okay. On fait un gros tirage, on va voir. Une Land Rover! un petit tour avec moi sur mes cuisses. Non, ça va être de quoi d'intéressant pour vrai. Hey, trompe pas Jennifer ou Evelyne, je suis plus sûr. Donc, prnds.net, et on te retrouve dans deux semaines et on va aussi voir tes capsules vidéo sur ta page Facebook, faut oublier ça. Absolument, on est allé essayer des Porsche au Camfort de Mécaglisse la semaine dernière, donc la vidéo est, je pense, très divertissant. Oui. Très agréable. Tu as apprécié? J'ai adoré. Ouais. Vrai. J'ai vraiment aimé ça. T'as bien aimé le style? Beaucoup. T'as travaillé tellement fort là. C'est funny, funny stuff. As-tu été seul devant ton ordinateur? Ouais, un peu. Ben, c'est bizarre, avec ma blonde. Hein? Tu sais, quand on rit seul, on sait qu'on a l'air bizarre. Les gens nous trouvent bizarre. Le pire, c'est quand j'anime seul et que je ris de mes propres blagues. Ah. Ça fait que ça ressemble à ça un petit peu quand je regarde tes vidéos. Bref, Jean-Samuel Gué, dans une semaine, en fait, t'es aux semaines, toi. Ça n'a pas d'allure de dire aux deux semaines. C'est mardi à 7h30. La semaine prochaine, merci. À la bonne heure. On se quitte en musique avec About. Voici Built It, comme dans toutes les compagnies de voitures qui en construisent. Hein? Construisent. T'as peu ça. T'avais comme deviné mon lien, on dirait. C'est... Pas pire. Ton ça, talent de déduction. Est-ce que ça veut dire que ton lien est mauvais? Pensez-y. On vous laisse réfléchir à ça. Au 444-998-9949. J'ai tout mêlé ces chiffres de numéro. Ouais, je pense qu'on va appeler en Europe. It. I've been told that playing it safe is often more threatening to freedom than risk-taking. I've been told. Don't just live a lie. Fight one, dream one, build one. Don't just live a lie. Fight one, treasures. I've been told a gift should not be refused, 'cause life may be listening, and next time be less giving. I've been told that true love never seems to get in someone's way of fulfilling its dreams. I've been told. Trust your Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de cons de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Replongeons dans le dîner de cons un certain midi cette semaine. La bière de la semaine. Une présentation de La Barrique, le magasin de bière à Trois-Rivières, 4170 Boulevard des Forges. Quand tu prends un coup, la vie est belle. Malgré les problèmes interrelationnels, il y en a qui me disent des fois que je suis un peu à pic, que je prends pas toujours bien la critique. Mais ceux qui pensent ça, là, ben, qui mangent la merde. Oh yeah! On va être un peu plus poli, là, hein? On n'enverra pas à tout le monde, quand même. Bienvenue, bonjour, on est bien sûr dans le moment tant attendu par les animateurs. Eh bien oui, le temps de la bière de la semaine, Michel. Mais là, aujourd'hui, c'est juste un petit échantillon qu'on a. On pourra même pas être sous en ongle. Comment ça? Ah, j'ai pas dit ça en ongle. Ben oui, mais, tu viens de dire ça. Fallait pas. On a juste une petite bouteille, là. Ouais, une petite bouteille format 341 ml, genre. Et en plus, c'est juste 6%. Ouais, mais il va falloir goûter ça comme il faut, là. T'sais. Ouais, il va falloir être un peu plus juste goûteur. Exact. Et non juste être un bon vivant. Donc aujourd'hui, on déguste une bière qui nous vient de la microbrasserie de Dunham, qui nous offre toujours, c'est pas la meilleure des microbrasseries, c'est loin d'être la pire, une microbrasserie très très stable, très équilibrée, et encore ici, un petit mix, on est dans l'hybride, hein, de nos jours, en 2014, les bières, il y a à peu près plus de bières pures, c'est tout le temps un mélange de tout. Là, c'est la Pat Porter Robust. Les ingrédients sont l'eau, le malt d'orge, le flocons de blé, les houblons et la levure. Donc, on a du malt d'orge, ce qui devrait donner quand même un petit côté, comment je pourrais dire, caramélisé ou torréfié, en tout cas, avec l'orge. Et je pense que ça va être intéressant. On va l'ouvrir, je pense. Ben, va être donc. On est-tu là, là? C'est-tu ça, là? C'est-tu là? Je suis prêt. Bon, ben, je vais baisser la trame. Question d'habitude. Oh! Ça n'a pas fait un gros pouch. Non, quand même pas si contente de me voir, mais bon, moi, je suis content quand même de la déboucher. Première odeur, oh, fumée, torréfiée, tout de suite au nez, là, ça nous vient ça. Là, il faut que je fasse attention, nous dispatcher ça de façon équitable. Oui, puis je te check, en plus. Ah, tu fais bien. T'as vu, je ne vais pas sur le bord du micro, parce que je veux être vraiment, là, ça accroche. Oh, ça a l'air crémeux, ça se sort, là. Méchant col aussi. Ouais. Pourtant, j'essaie d'aller apporter assez loin dans le verre, là. Est-ce qu'elle est assez fraîche? Oui, elle est froide. Je la gardais dans mon frigidaire qui s'appelle dehors, dans la neige. Ah, OK. Non, mais là, c'est le printemps. Ben, ton frigidaire a réchauffé. Ben, elle était vraiment bien plantée dans le banc de neige, donc elle était quand même assez froide. On va y aller comme ça. On va sentir. On va remonter un petit peu la petite trame. Ça, c'est de la mousse, hein? Et c'est d'un noir opaque, mes amis. Ouais. Aucune lumière. C'est comme dans le cul d'un ours, comme on dit. Il fait noir comme dans le cul d'un ours. Est-ce qu'on peut isoler la maison avec ce mousse-là? Je pense que oui, effectivement. Et en plus, on peut planter une paille dans les murs puis se reciper ça une sent bon, gorgée. Par exemple. Ça sent très bon. On sent ça, oui. Odeur de café, de chocolat. Ouais. Chocolat. Très chocolaté à l'odeur, au nez. Et puis, c'est drôle parce que je parlais avec les gars de la barrique puis le vendeur me dit... C'est drôle parce qu'il dit, des fois j'amène des bières, puis j'essaie de le faire goûter à mon père, puis je dis, ben, qu'est-ce que tu penses? Ben, je connais pas ça. Ouais, mais qu'est-ce que tu sens avec ton nez? Tu sais, t'as pas besoin. Ça. Les gens disent, ouais, je connais pas ça. Mais qu'est-ce que tu sens dans ton nez? Qu'est-ce que tu sens dans ta bouche? Qu'est-ce qui se rapporte à ce que tu connais déjà? C'est juste ça qu'on fait. Deux semaines, j'avais clairement une odeur de gomme ballon. Ouais, puis c'était vrai, puis c'était revenu même dans les descriptions. Alors, ben, c'est ça. On peut tous être des experts. Faut juste s'écouter un peu. Mais c'est vrai que ton chocolat est présent, là. Très, très présent. Et ben moi, je me l'envoyais depuis tantôt, je la sens, là. Et bon, j'arrête de la vider avec mon nez. <C'est ça. rire> Le col a diminué, mais ouais, pas de temps. Non. Il est assez soutenu. Donc, ben, à votre santé, monsieur. Ben, à ta santé. À votre santé, mesdames et messieurs. Oh, bien huileuse quand même, assez épaisse comme bière. Ouais, pour une 6%, là. Elle a quasiment une texture de bière qui est à 8-9. Ouais. Très facile au goût. Elle a un indice d'IBU qui est pas très présent. Depuis, ça fait une couple de semaines qu'on goûte des IPA et des bières très amères. Là, on n'est pas là. Mais pourtant, il y a des, quand même des petites caractéristiques qui sont cachées par la torréfaction du malt, de l'or, je crois. C'est dur à définir. C'est plus dur que d'habitude. Oui, c'est difficile quand même à définir comme bière. Je dirais un petit peu résineux, quasiment. Vraiment, on a toujours, bien sûr, le goût d'une céréale. Ça, ben, ça vient dans chaque bière. Ça goûte quand même un peu la céréale. Mais moi, le côté café, mais plus chocolat que café dans mon nez à moi. Ouais. Mais pas tant au goût, par contre. C'est étrange. Ouais, étrange. C'est bon. C'est pas désagréable, mais moi aussi, j'ai un peu de difficulté à la décrire en tant que telle. On va aller sur... Amène-nous donc, oui. Oui, on va aller voir Bière-Luc. Tiens, Bière-Luc, il nous dit une belle bière noire avec une belle mousse mocha qui résiste à l'épreuve du temps. il sait quoi, hein? Il en a quand même critiqué quelques-unes. Un nez de grains rôtis. Oui, tantôt, je disais l'orge rôti, ouais. L'orge torréfié. Et une pointe chocolatée qui réussit à percer à travers la coiffe. Mais c'est sûr qu'il y a toute une coiffe. En bouche, la bière est plus pétillante qu'escomptée. Je la sens pas si pétillante. Il dit « Ah, ça c'est vrai, j'aime ça. Des saveurs de café et de cendre. » Un petit côté cendre. C'est ça, il y a quasiment un petit goût de fromage en arrière. Je sais pas comment dire ça, mais... Ben, c'est bien. Il dit « Il s'alterne avec politesse. Le sucré ne domine pas, mais il est là. » Oui. Il adoucit justement la petite amertume qu'on pourrait y retrouver, mais il n'y en a pas justement. On dirait qu'elle est effacée. Et puis il dit la finale est sèche. Ouais, moi, je ne suis pas si sèche que ça. Non. On va aller avec le Sifflebière. Lui aussi, on en parle souvent de cet homme qui nous a. Mais ça me pourrait ça avec un steak, moi. ben, moi, une noire, personnellement, quand c'est une bonne noire bien équilibrée, ça se boit à tout moment de ma vie, ça. Moi, j'aime les... de viande, mais ça me semble que là, je sais pas, j'aurais le goût de manger un steak. Un bon fish and chip aussi, moi. Oh. Un fish and chip, moi, je mangerais avec ça. il dit très noir, le Sifflebière nous dit très noir et épaisse et opaque. Tantôt, je disais huileuse presque. Ouais. Elle a une belle texture en bouche. Et quand je dis huileuse, c'est vraiment pas désagréable. Il dit, on détecte au nez une amertume costaude. Moi, je la sens plus en fin de bouche qu'au début, là, l'amertume. Elle est bien camouflée, moi, je trouve. Il dit, des grains longuement torréfiés sont aussi dans le décor. Il dit, moins chocolaté et plus caféiné. Moi, je trouve le contraire. Plus chocolaté que caféiné. Il dit, elle possède cette amertume promise qui lui donne des airs d'Imperial Stout en puissance. Pas tant. C'est la finale qui est plus douce, plus pétillante et veloutée que prévu et qui nous rappelle mieux le style Porter. On se rappelle, le Porter, c'était une bière qui était faite pour les Porter, pour ceux qui portaient du stock sur les quais en Angleterre, qui n'avaient pas le temps de manger. Okay. Et puis, c'était des bières très épaisses, très riches, très nourrissantes. Et puis, c'est comme ça qu'on a commencé ce type de bière. Okay. Donc, on voulait quelque chose qui allait faire toffer la journée. Alors, c'est pour ça qu'on aurait pu en boire tout le long du midi pour toffer notre journée. Donc, il dit, finale plus douce, c'est d'ailleurs un excellent. Il dit, bien crue, bien fonceuse et surtout absolument savoureuse. C'est vrai qu'elle est très, très bonne, cette bière-là, mais j'avoue que les caractéristiques sont pas si faciles. Non, il y a un quelque chose arrière-goût, là, moi, que je suis pas capable de mettre le mot dessus. Moi, je pense qu'il y en a un que je viens de trouver, un goût que depuis tantôt je cherche, c'est la fumée. Ouais. Elle est fumée. Tu sais, parce que tantôt, on disait torréfiée, qui rappelle le chocolat, mais il y a un côté fumé, comme des bières à la fumée. Pas autant, là, parce que moi, des bières à la fumée, à un moment donné, je trouve que ça goûte trop le feu de camp. Là, elle est juste... En tout cas, le torréfié, c'est clair, parce que moi, quand je me suis tendu, je passais à côté de l'ancien torréfacteur qui fait encore du café le temps de pain. Oui, ça sent ça. Les odeurs sont les mêmes. Là. Vraiment, de belles effluves de grillage. Je vais regarder voir s'il n'y en aurait pas une ou l'autre deux. J'ai eu le goût de nous envoyer une autre petite ici. Ça me tente pas. Ça me tente pas de faire une traduction libre en anglais à brûle pour point comme ça. Tiens, on va aller avec Tactique Montréal, qui en a critiqué 5481. Une bière, bouteille achetée chez La Barrique à Trois-Rivières. Bravo. Le gars, c'est exactement ça. Il nous vient de Montréal. Arôme, odeur de céréales grillées avec une pointe de chocolat. Bon. Oui. Apparence couleur est noire, présence d'un moyen col beige mousseux et d'une large dentelle sur le verre. Ouais, moi je dis qu'il est pas si moyen. Il toffe bien. Quand même. Et j'en aurais pris une complète. Hein. Oh oui, j'en aurais pris une complète. T'aurais été capable. Oh oui, j'aurais été capable. Il nous dit présence d'un col moyen et beige, mousseux, d'une large dentelle. OK, je l'ai dit. Goût de torréfaction avec une pointe de cacao et de vanille. Oh, la vanille, là, il va... Ben, en tout cas... Je sais, ben non, mais c'est ce qui est le fun. C'est, moi, j'aime ça aller lire, puis après, on dit, ouais. OK, on va aller voir ça. Mais cacao, il est clair, là. La vanille. Vanille, pas tant vanille, mais bon. Il dit durée moyenne de l'arrière-goût. La palette, eh bien, le corps est moyen avec une texture légèrement onctueuse. Moi, je dis qu'elle est quand même assez onctueuse, une moyenne effervescente en bouche et l'arrière-goût est assez torréfié. Tout à fait. Et puis, tiens, on va s'en faire une petite dernière avec Viper666. Lui aussi, un habitué du dîner de cons. Ils ne savent pas, ces gars-là. Puis, je parle d'eux autres à chaque jeudi. Je devrais leur écrire. Donc, elle a été dégustée, lui, en fût. Par contre, dans un bar au vice-versa, et de couleur brune, très foncée, quasi opaque. Moi, je dirais noir, on peut dire que c'est noir. Un nez de malt rôti, moyen de chocolat noir. Oui, important de dire, quand on dit chocolat, c'est chocolat noir, hein? Ouais. Bien noir. Léger, lui, il dit de chocolat au lait, non. Houblon herbeux, peut-être. Café brûlé. Tu vois, moi, j'avais café résineux. Café brûlé. J'avais résineux, moi, tantôt. Oui. Il y a quelque chose de... De verdure, oui. C'est une verdure quelconque. Il y a lui, il dit café brûlé. Fait que tantôt, bon. Tu disais torréfaction ouais, d'un café, ça y ressemble. Il dit moyennement ronde en bouche avec un pétillement moyen, une texture moyennement crémeuse. Moi, je la trouve vraiment ronde quand même en bouche. Pas si moyennement ronde. Surtout pour une 6% d'alcool. D'habitude, les bières rondes sont vraiment des bières à 8, 9, 10%. Mmh. Texture moyennement crémeuse, faible note de chocolat. Il dit même des petites traces, lui, il dit lactique, des petites traces qui font penser au lait. Lors de l'entrée en bouche, qui fait rapidement place à un goût de malt très rôti avec un moyen goût de chocolat noir amer. Puis en finale, on retrouve une moyenne amertume de houblon herbeux aux notes résineuses avec un léger goût de café. C'est ce que tu disais, et donc t'es pas le seul à le voir. Post-goût, eh bien, est long et asséchant. Moyen amer rôti, houblon herbeux et légèrement résineux. Léger de chocolat noir avec des notes de café. Bon, il revient un peu. Bonne bière, en tout cas. Moi, mon verdict, c'est à peu près ça que j'ai à dire. Faut aimer la bière noire. Oui, mais c'est pas difficile à boire. Mais pas difficile à boire, est équilibré. Faut pas avoir peur de la bière noire, là. Non, mais il y a des gens qui ont comme ils sont rebutés là, immédiatement dès que c'est plus foncé que dès qu'ils peuvent pas voir au travers, ils en ont peur. Les gens ont peur du noir. Là, c'est comme ça. Voilà. Et puis c'est comme ça. Ah, j'ai le goût d'en faire une dernière petite là, je l'ai ici. What's up? Bouteille 341 couleur opaque, mousse couleur lait. Oui, lait au chocolat. C'est vrai, la mousse est couleur lait au chocolat. Il dit une dentelle éparse, arôme de café noir, réglisse. Non. Fumé, tabac et houblon, oui. Le tabac, tabac, oui, c'est ça. Moi, je pense qu'il vient d'avoir ici goût d'expresso. Oui, c'est bien. Et lui, il se pose une question parce qu'il marque agrumes peut-être. Non. Non. Il met un point d'interrogation. Moi, je trouve pas amertume assez prononcée qui persiste longtemps. Pas tant que ça non plus, je trouve. C'est à deux qu'ils le disent, mais je trouve pas. Moi, je le trouve. On le sent, parce que même j'ai jasé avec justement les gars de la barrique. Eux, ils m'en parlaient de l'amertume qui était là, puis qui était. Mais elle est tellement bien équilibrée qu'elle est effacée. Moi, je trippe pas tant sur les bières si amères que ça. Ouais. C'est la folie en ce moment des bières amères. Là, t'sais, tout ce qui est IPA, le monde vire fou. Puis aujourd'hui, on était supposé encore d'en déguster une. J'ai dit aux gars de la barrique, je dis, on peut-tu aller vers un autre style un peu? Fait que. C'était parfait, on est allé avec ça. Et puis, non, moi, je trouve pas qu'elle est si amère que ça. Elle a un IBU certaine, donc on va être désaltéré, mais pas... l'IBU est à 51, qui est quand même assez fort, mais il est caché par d'autres éléments de cette bière. Sur ce, eh bien, on dégustait la Pat Porter Robust, qui est brassée par la brasserie Dunham. C'est où, Dunham? Ben, à Dunham. Hein? Dunham, c'est quand on laisse. Parfait, merci. Moi, je connais plus Notre-Dame de Ham puis Ham Nord. Genre. Ah, voilà, là, on est un petit peu plus haut. Là, on est plus, OK. Bon, ben, moi. D'ailleurs, as-tu fait le Mont Ham? Oui. Ah, voilà. Mm. Mont Ham qui est magnifique. Le Mont Jambon. Le Mont Jambon. Mont Jambon. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est Fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30. et le dîner de cons de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez lecifou.ca. Assemblage requis. Bye bye! Pagan Day. Pi, t'as-tu aimé ça? Pi. C'est juste pour ça que je voulais pas dire le nom de la toune. je voulais faire sûrement une joke que tout le monde a faite depuis longtemps. Sûrement, je sais pas, ça fait juste 2 semaines que c'est dans le palmarès, c'est qu'on a le temps de toutes les faire encore. Ok. C'est le fun, là. Oui. Donc, Pi, les deux symboles, Pi, l'album Pagan Day. Maintenant, tiens, mangerais-tu quelque chose? Ouais. Deux pailles? Deux pailles. Pailles. C'est pas pareil de vrai, marin. Oh, wow! Celle-là, elle me bat facile. C'est un fait. Oui. Cette blague, c'était pas de la tarte. C'était pas de la tarte. Il y a en plus des tartes dans l'album de Piper. Ben oui. C'est bien vu. Brillant. Brillant. Bon. Brillant, un peu comme vous allez l'être en écoutant la chronique, c'est un fait, parce qu'on essaie de vous apprendre des choses que vous ne savez pas. En tout cas, moi, c'est des choses que je sais pas, et c'est des choses que je sais pas si sont vraies, parce que c'est selon Internet, évidemment. Oui. C'est le but de la chose. Donc, on dit que les rats se multiplient tellement rapidement qu'en 18 mois, 2 rats pourraient avoir au-dessus 1 million de descendants. Tu vois ça, Mathieu, c'est comme quand tu dis que si tu connais 7 personnes, tu connais le monde entier. Tu connais Kevin Bacon, je pensais. Oui, je sais. 6 degrés de Kevin Bacon, c'est ça. Oui. c'est vraiment ça. Très bonne. Ouais. Ensuite, les céréales Frankenberry. Oui. Frankenberry, qui était de couleur magenta, d'accord? Tu mangeais ça, les enfants. Il y avait un colorant dans les céréales qui se défaisait pas lors de la digestion. Donc, les enfants avaient des besoins... Des numéro 2 magenta. Numéro 2 magenta. Ah ben, c'est le fun, hein? Ouais. À savoir, j'adore ça. Ça, tu manges ça avec des betteraves. Là, t'as tout pour paniquer. Aïe, aïe. Ouais, ça fait peur, ça fait peur. Le oiseau qui s'appelle le Bowerbird, B-O-W-E-R, Bowerbird, le mâle des Bowerbird, va décorer son nid d'objets attirants, d'objets brillants. Okay? Donc, les gens ont déjà trouvé des objets perdus dans leur nid, par exemple, des clés de voiture. Ah, hein? Fou pareil. Moi, je m'attendais pas à ça d'un mâle Bowerbird, d'une fille, peut-être. Ben oui, c'est ça. Ça brille, effectivement. Mais bon, quand même. Ben c'est peut-être c'est peut-être pour madame. Pour madame Bauer. Ben oui. C'est ça. la nouvelle mode sur Facebook en Suède est de boire un verre de bière, OK, devant la caméra en 30 secondes et ensuite défier 3 de tes amis à faire la même chose en dedans de 24 heures. Ben là, c'est rendu ici, là. C'est rendu c'est, ça aussi? Ça pollue mon Facebook. Excuse-moi, pour vrai? Ah, oui, c'est oui. Ça le défi, le Neck Nomination. Neck Nomination, t'as bien raison, t'as bien raison. Mais en tout cas, bref, ça a commencé en Suède. En Suède? Bon, en Suède. Ben, ils font tout, ces Suédois-là. Tout le temps, avant tout le monde, on dit tout le temps, les maudits Suédois sont tout le temps à l'avance. Oui. Et j'ai ça... ils disent, j'ai ça Suédois, là. Suédois. Wow. Les pingouins du centre Scarborough Sea Life se sont fait prescrire des médicaments pour améliorer leur humeur parce que la mauvaise météo au Royaume-Uni les rendait déprimés. Oh. Oh. Triste dans les pingouins, ça. Oui, pauvre pingouin. C'est pour ça qu'il était en train de chialer après Batman puis il va faire des... il est tout le temps méchant. Des petites cigarettes. Ben oui. Le prénom de Chuck Norris. Oui. Son vrai nom, c'est Carlos. Carlos. Carlos. Tu vois, c'est moins... Carlos, c'est moins punché, ça. Un petit peu moins. Un petit peu moins. 710 000 mètres cubes de neige ont été emmagasinés dans 8 voûtes pendant plus d'un an sous des couvertures isothermiques pour être utilisées aux Jeux olympiques de Sochi. Oui, j'ai vu un reportage là-dessus. 710 000 mais j'ai mètres vu, cubes. J'ai vu aussi le ski, je pense, en fin de semaine. Il faisait comme 18 degrés. Aïe, aïe. Les skieurs, ils étaient en short puis en t-shirt. Ah, avec les lunettes de soleil, peut-être. Ah. Ben oui, oui, la crème auto-bronzante, les palmiers. Ben c'est le fun, pina colada. Pina colada. Pina colada. Qu'est-ce que l'aibophobie? La quoi? Aibophobie. Ça, c'est la peur de l'ail. De l'ail. Et le beau là-dedans? Ben, la belle gousse d'ail. La belle gousse d'ail. Peut-être une belle gousse d'ail. Non, l'aibophobie, en fait, et là, c'est de source sûre. C'est ce qu'on me dit, en tout cas, sur The QI Elves. Qu'aibophobie, c'est la peur des palindromes. Parce que aibo, c'est phobia écrit à l'envers. A-I-B-O-H-P-H-O-B-I-A. Nous dit-on. Mais tu sais, j'ai des doutes. Ouais. Plus de 80... Non, jusqu'à 95% des Asiatiques de l'Est, okay, n'ont pas le gène pour les dessous de bras qui sentent mauvais. Et 98% des Européens ont ce gène-là qui fait que les dessous de bras sentent mauvais. Bah, ils sentent pas du tout. 95%. Ça explique peut-être l'image là, sur Facebook où il y a plein de gars qui se lèvent les aisselles. Puis là, il y a plein de filles qui sentent en dessous des aisselles. Bon, ouais, les aisselles. Oui. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça des aisselles? C'est pas un mot à censurer, ça? Non. C'est la façon de le prononcer, peut-être. Hein? Je sais pas. Tu me penserais-tu mon élastique à cheveux? C'est aussi comme élastique. Ah, élastique, oui. Ah, ben oui. Ouais. Excuse-moi. Non, ça va. Je sais pas ça. Je t'en assis, j'en avais un. Je pense que t'en avais un autour d'un micro à un moment donné. Et il est parti, je pense. Non, il est encore là. Encore vois. Là? Oui. Mauve, là. Hein? Oui, mauve. Autour de nos micros, il y a un élastique mauve. Pourquoi? C'est un porte-bonheur. C'est ça. C'est un coq micro. Un coq mic. Un coq mic. Ah, wow. J'aurais dû la garder pour demain. Pour Kinky. Pour Kinky. Et en plus, ça nous a tellement apporté de la chance dans le studio. Oui. Jusqu'à maintenant. T'sais. Right. Des besoins d'éléphant. Oui. Mais numéro 2. Allons pas trop dans les détails, mais ça, de l'éléphant, est utilisé pour fabriquer du papier en Thaïlande. OK. C'est vrai, donc un éléphant fournit 50 kg de ça par jour, ce qui est assez pour faire 115 feuilles de papier en Thaïlande. Ah, quand même. Wow! Les premiers patins à glace. Puis là, attends, vas-y. Excuse-moi, mais là, si mettons, tu fais ça pour imprimer un travail de session, puis t'es à l'université, là, ton prof peut vraiment te dire, ah, ton travail, c'est vraiment de la merde. Je te donne pas un F, je te donne un pou, genre un oui. K. Okay. Oui. Ensuite, les premiers patins à glace, c'était simplement des os, des os, okay. D'animaux, attachés aux pieds. Tout simplement. C'est ça. Pourquoi est-ce compliqué la vie? C'est ça. Tant qu'à te casser les os en faisant une chute, aussi bien casser les os d'un animal aussi. Qu'est-ce que... Et là, encore une fois, j'ai des doutes là, par rapport à plusieurs faits aujourd'hui. Et vous m'en serez reconnaissant de l'avouer. Qu'est-ce que la scapabribabababdufobie? C'est ça pour de vrai? Ben, je le lis vraiment très très mal. Scapabobididiwidilidubabababphobie. Ben, c'est la toune. C'est ce que j'essayais d'imiter. C'est la part du freestyle jazz. Ah! Oh. Mais c'est sûr que c'est pas vrai. Ah, j'aime tellement ça, là. J'ai pas de référence pour ça, mais je trouve ça drôle. Des fois, tu fasses un rap? Ouais, ouais. Yo, yo, Mathieu, ce que tu dis, c'est n'importe quoi, yo. C'est mon freestyle. T'es fort! Je l'ai fait écouter avec celle-là. Oui, c'est ça, juste ce bout-là, pour qu'on sache qu'on se fait retirer l'émission d'ici à jeudi. On dit que Netflix surveille BitTorrent pour décider quelle émission acheter. OK. Tu sais, Netflix, évidemment, on peut regarder des émissions pour un certain prix par mois. BitTorrent, on peut télécharger illégalement un paquet d'émissions, beaucoup plus que sur Netflix. Oui, quand même. Donc, ils se disent, si c'est populaire sur BitTorrent, on va les mettre sur Netflix. Ah. On va essayer de se payer ça. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'un Willy Wah? Un Willy Wah? Ouais. Ça, c'est... C'est la moitié d'un nain dans Charlie et la chocolaterie. Oh, un Willy Wonka. Willy Wonka. Ah, c'est bon, par contre. Willy Wonka. Rien à voir avec le Willy Waller. Là, non, ça aurait été trop facile. Willy Wonka, en fait, c'est un vent soudain et violent. OK? Comme un pet. Willy Wonka. Moi, je fais des jokes de pet. Ah, excuse-moi. Mais pourtant, les Willy Wonka, ils se déplacent vraiment pas vite. Vraiment pas vite. Je pense que ça n'a pas rapport. Ça n'a sûrement pas rapport. La chance de faire deux trous d'un coup dans une ronde de golf. Une sur 67 millions. Ah ouais? En tout cas, moi, je peux te dire qu'au mini-golf, c'est possible. Deux trous d'un coup? Ben oui. Pas mal sûr. T'es bon, hein? Oui, je suis bon. Comme Cal Carmoni. Ouais, ben c'est exactement là je m'en allais. Les films sont cotés sur 10 sur IMDB.com. Tu sais, c'est l'Internet Movie Database. Oui. Les films sont référents. Pour vous, avec vous. Donc, on peut coter des films sur 10 sur IMDB. Par contre, le film This is Spinal Tap, où il y a justement, c'est une parodie, c'est comme un genre de documentaire sur un faux groupe de musique, où eux, leurs affaires vont... Il y a une phrase classique dans le film qui dit de monter ça jusqu'à 11. Oh. Donc, leur cote... sur IMDb va jusqu'à 11. Ah, oh, j'adore. C'est fort. Ça, c'est le fun. C'est vraiment cool. Je veux savoir, par contre, si c'est coté 11 sur 11, probablement pas. Sûrement pas. Sinon, il serait dans le top 250 des meilleurs films à vie. C'est ça. This is Spinal Tap, 1984, 8 sur 11. Ah. Mais quand même, est-ce que ça veut dire est-ce qu'ils ont vraiment 8 sur 11 ou est-ce qu'ils ont 8 sur 10? Dans le fond, c'est comme un 9 quasiment sur 10. Ouais, je sais pas. 8,5. Bonne question. Faudrait voter. Voir si tu peux mettre 11. C'est ça, exact. En 1999, on disait qu'il y avait 85 façons d'attacher une cravate, une autre cravate. Maintenant, par contre, les mathématiciens ont trouvé 177 147 façons de faire un nœud. Et voici leur Random Tie Knot Generator que vous pouvez retrouver sur tienuts.johansons.org. C'est vraiment rempli de différentes sortes de nœuds. À chaque jour, son nœud. Ah oui, pendant toute ta vie. Wow. Ensuite de ça, pour son personnage qui est The Bear Jew dans le film Inglourious Basterds. Est-ce que tu as vu ce film avec Brad Pitt? Oui, excellent film. Donc, The Bear Jew, est-ce que tu te rappelles du personnage en français? Je sais pas ce que c'est. Non, je ne me souviens pas. Mais sûrement que... Il est joué par Eli Roth. Ah oui, peut-être. Bon. Oui. Bref, Eli Roth qui a écouté des chansons de Hannah Montana pour le faire virer fou pour jouer le rôle de Bear Jew dans Inglourious Basterds, nous dit-on. Les chansons d'Hannah Montana, ça c'est Miley Cyrus, évidemment. Oui. D'ailleurs, parlant de Miley Cyrus, son vrai nom, apparemment, c'est Destiny Hope. Destiny. C'est tellement américain. Destiny Hope. C'est tout le temps genre Chastity, puis Destiny, puis Hope. Puis Hope. C'est ridicule. Ou de l'autre bord, t'as Candy. Ah oui. Sunshine. c'est bizarre que tu sais, Sunshine en anglais, on est Marie-Soleil. Mettons en français, c'est l'équivalent Soleil, Sunshine. Mais on n'a pas Marie-Bonbon, genre. Marie-Bonbon. Pour Candy. Moi, je sais pas. Bizarre, c'est un vrai manque. C'est un manque à combler. C'est un vrai manque. Ouais. Allez, forcez-vous. Allez! Et finalement, qu'est-ce que ça veut dire le mot, et là je l'ai dit en anglais, Jumentus, J-U-M-E-N-T-O-U-S, jumenteuse, si on veut. Jumentus. Jumentus. Aïe, aïe, aïe, c'est dur. Et là, j'essayais de... je m'alignais vers du jus à la menthe. OK. Oui. Jumentus. Ça pourrait être bon, ça pourrait être bon. Peut-être... non, je sais pas. Ça avait l'air de l'issue d'une même, dit de même. Oui. Non, Jumentus, ça veut dire qu'il ressemble à de l'urine de cheval. Ah, tu vois, j'étais pas loin. C'est du jus de menthe. De menthe. voilà, on y va avec une deuxième partie de cette fête tantôt, mais pour l'instant, Mardi Noir, cœur de ciment. Ça, c'est fou. OK? Oui. OK. Pourtant, on est lundi. C'est vrai, hein? Je suis pas conséquent avec moi-même. Oh. Oui. Ça gâche tout. We'll be right back. présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de cons de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Replongeons dans le dîner de cons un certain midi cette semaine. Tenez-vous bien après votre chaise, accrochez-vous bien après les oreilles à pépère, comme on dit. Un évêque, pour la prochaine nouvelle, c'est ce que je dis. Un évêque destitué après avoir été filmé en pleine orgie. Eh bien oui, c'est ce membre de l'Église orthodoxe qui a été confondu par une vidéo diffusée. Qui a été confondu par une vidéo diffusée sur Internet où il batifolait avec 4 femmes. Rien de moins, un évêque capable. Je pense que c'était le préféré par les dames de son village. Donc, un évêque orthodoxe bulgare a été destitué après la diffusion sur Internet d'une vidéo le montrant en pleine orgie sexuelle avec 4 femmes. C'est ce qui a été annoncé aujourd'hui même. Le prélat était le supérieur du 2e plus grand monastère du pays. Rien de moins, mais moi, je veux voir la vidéo. L'évêque Boris, responsable de la communauté de Batchkovo, s'est rendu coupable d'actes indignes de son poste. C'est ce qu'a expliqué dans un communiqué le Saint-Synode. L'Église orthodoxe, à laquelle appartient plus de 80% des Bulgares, est secouée de scandales depuis plusieurs années. L'ouverture des archives communistes en janvier 2012 avait révélé que 11 des 15 métropolites constituant le Saint-Synode avaient été des agents ou des collaborateurs des services secrets. Un de ses dignitaires, Kirill, était connu pour sa voiture de luxe américaine. Il a été retrouvé en juillet dernier, apparemment noyé sur une plage de la mer Noire. Le métropolite Nikolai, lui, critiqué par les médias pour son train de vie aisé, avait tenté en vain, il y a un an, de vendre sa montre Rolex pour payer la facture d'électricité de son église. Elle est criblée de dettes, semble-t-il, son église. Ça va pas bien à l'église orthodoxe bulgare, mais ça va bien dans la chambre à coucher. Le monsieur, il était avec 4 filles. Pourquoi se plaindre? T'es plus évêque et puis après, hein? Retourne avec les chicks. Une femme de ménage jette les œuvres d'art aux ordures. Ça, c'est génial. C'est en marge d'une exposition contemporaine à Barry. 2 créations ont disparu avec les vieux cartons. L'art contemporain a parfois des limites peu claires. Preuve en est la bévue commise l'autre jour par cet employé de la compagnie de nettoyage qui a jeté à la poubelle 2 créations faites de carton et de papier pour elle qui étaient sans valeur. Le problème, c'est quand il s'agit en fait d'œuvres d'art destinées à être présentées à Bari, dans le sud de l'Italie, dans le cadre de l'exposition Display Mediating Landscape. Les éboueurs n'ont, semble-t-il, pas fait la différence non plus avec du vieux papier puisque ces pièces ont disparu à l'aube avec les autres déchets. Une perte tout de même estimée à 10 000 euros, ce qui rend bien rouge de honte l'entreprise de nettoyage Chiarisma, laquelle a promis de réparer le préjudice. Jointe au téléphone par son patron, la malheureuse femme de ménage a avoué se sentir très mal quant aux artistes. Ils n'ont pas communiqué pour l'heure au sujet de cette méprise. Ce qui est sûr, c'est que la publicité faite autour de l'exposition qui a ouvert ses portes a fait un carton. Le jeu de mots est plate, mais il était quand même bien placé cette fois-ci. Ce qui me fait rire, moi, j'apprécie l'art, mais c'est ça, hein, l'art contemporain. C'est quand on veut réussir à faire dire à quelque chose qui est laid ou qui est inutile ou rien ou qui est juste et qu'on lui donne un très, très grand sens ou quelque chose qui est complètement inesthétique, en tout cas pour une personne, parce que ce qui est inesthétique pour un peut être très esthétique pour l'autre. Hein, c'est le propre de l'art, c'est le propre des goûts. C'est comme dire le rouge est plus beau que le bleu, ça se fait pas. Sauf que il y a quand même un problème hein, quand une œuvre d'art est confondue avec des déchets. Pose-toi la question sur ton œuvre d'art. C'est ce que je pourrais dire. Ici, oui, sympathique restaurateur, le gérant d'une pizzeria Pizza Hut a été filmé en train d'uriner. Ben oui, l'affaire a fait grand bruit aux États-Unis. Le directeur de la chaîne de directeur d'une chaîne de restauration Pizza Hut, mais c'est pas le directeur de la chaîne, là, c'est le directeur de ce Pizza Hut là, a été surpris par des caméras de vidéosurveillance en train de uriner dans un évier. Tout en préparant les commandes, l'homme s'est tranquillement soulagé dans l'évier de la cuisine d'une pizzeria de Kermit. Choqué par la scène, un employé s'est empressé de transmettre la vidéo à une chaîne de télévision. L'histoire a très vite été médiatisée et le manager a été licencié. Quant au restaurant, il a été fermé instantanément par les autorités sanitaires. Mais tu sais, il pissait pas dans la bouffe, juste pisser dans l'évier. Écoute, ça peut arriver des fois à la fin de party, mais dans une cuisine de restaurant, peut-être que c'est pas la meilleure idée, hein? On se pose la question. Des produits toxiques dans des vêtements de marques de luxe. Eh bien oui, des marques de luxe comme Versace, Louis Vuitton ou Christian Dior utilisent des produits chimiques dangereux pour l'environnement dans la fabrication des vêtements, selon un communiqué de Greenpeace. Les vêtements bon marché ne sont pas les seuls à contenir des produits chimiques dangereux de grandes marques de luxe, dont Versace, Louis Vuitton, Christian Dior, Hermès et Dolce Gabbana, tolèrent leur usage dans leurs vêtements pour enfants. C'est ce qu'affirme l'ONG Greenpeace, a analysé 27 articles de 8 marques de luxe. Or, la présence d'un ou de plusieurs produits chimiques dangereux a été détectée sur 16 articles, dont 8 sont fabriqués en Italie. Hein? On chiale tout le temps de la Chine, le Japon, l'Asie, la Corée, le Vietnam et la Taïwan ou autres. Là, c'était produit en Italie. Une concentration particulièrement élevée d'éthoxylate de nonyphénol, oui, a été retrouvée dans certains articles pour enfants, dont une paire de ballerines Louis Vuitton, made in Italia, toujours selon Greenpeace. Une fois relâchées en sortie d'usine ou après le lavage des vêtements, ces substances chimiques aux propriétés toxiques, qui sont des perturbateurs endocriniens notamment, vont persister et s'accumuler dans l'environnement. C'est ce que dénonce encore Greenpeace. Il est grand temps que ces marques de luxe se hissent à la hauteur de leur réputation et crée enfin la tendance détox, la tendance pure. Elles doivent montrer l'exemple, ça c'est clair, à l'ensemble du secteur textile. Parce que si Dolce Gabbana ou Louis Vuitton utilisent de la scrap, écoutez bien, hein, le linge qui se retrouve à l'aubainerie Croteau là, ou chez Walmart, imaginez qu'est-ce qu'on peut mettre dedans. Hein, puis on le porte à longueur d'année sur nos corps. Louis Vuitton et Christian Dior rejettent les accusations de Greenpeace. Les deux maisons affirment que l'ensemble de leurs produits sont non seulement conformes, mais dépassent de loin les normes internationales de sécurité et d'environnement. La maison Christian Dior déclare dans un communiqué avoir toujours été en avance en termes d'éco-responsabilité, imposant également à l'ensemble de ses sous-traitants les mêmes standards d'exigence que l'entreprise suit elle-même. Chez Louis Vuitton, on assure que la sécurité de nos clients et la protection de l'environnement sont des priorités de longue date. Les ballerines citées dans le rapport présentent des taux de concentration en dessous du seuil fixé par les critères internationaux à jour. La marque française dit partager les préoccupations de Greenpeace et a pour ambition d'aller au-delà des normes et des régulations environnementales qui existent aujourd'hui. En 2011, Greenpeace avait déjà publié un rapport dénonçant l'utilisation de substances chimiques toxiques susceptibles de porter atteinte aux organes de reproduction des êtres vivants par 14 grands fabricants de vêtements, dont certains comme Adidas, H&M et autres qui se sont depuis engagés à bannir ces produits. L'ont-ils fait? Vous avez la réponse. Non, mais quand même, je n'en sais rien. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de con de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Assemblage requis. On va s'énerver. C'est l'exciter pas mal, tout le monde. On va s'énerver, on va s'exciter, ça va être capoté. Je vais aller dehors. J'ai des gaz, c'est ça? Je vais aller dehors, ok, excuse. Voici Justine aux platines. This music is my getaway. I think about it every day. Let's see what they gonna talk about. When I let it all out. Hey! Justine Renaud! Je m'ennuyais de mon intro. Un mois! Un mois sans intro. Prends pas un autre mois sans intro. Là, on te veut aux deux semaines comme d'habitude, là, c'est ça? On te veut aux semaines. En fait, on te veut aux semaines, mais on peut te prendre seulement aux deux semaines. Moi, je te prendrais tous les jours. Au quotidien. Le matin et le soir. Vie quotidiennement. Vie quotidiennement. Oui. Une fois avec une fille, une fois avec un garçon. OK. Le temps partagé, la garde partagée. La garde partagée, oui. On aime ça. Voilà. Donc, en parlant de sexe, j'ai pas parlé de sexe, moi. Moi, oui. Je vais porter le chapeau, je vais me mettre jusqu'au pied. Parce qu'aujourd'hui, on parle de Incubus, un groupe qui a étrangement marqué mon adolescence. C'est genre, vous vous dites, pourquoi t'as écouté ça? C'est pour ceux qui connaissent cette musique-là. Parce qu'il y a un mois, lorsque j'étais là, j'avais parlé de Tori Amos, donc un de ses albums qui m'avait beaucoup marqué, c'est Boy, je veux parler. Puis là, vous allez voir, ça va complètement changer de style. On rappelle qu'on y va chronologiquement, donc là, t'as vraiment changé à ce moment-là. Je suis chronologiquement. Fait que là, genre, y avait une période dans ma vie où, ce que, genre, quand j'étais plus petite, j'écoutais un peu plus de québécois, de la musique internationale. Puis là, peu à peu, où ce que je m'enfonçais dans l'adolescence, j'écoutais de la musique triste, puis tellement déprimante, puis c'était agressif. Fait que j'ai commencé à écouter du Tori Amos que je vous ai fait écouter il y a un mois. Mais ça, c'est comme du petit piano là, d'une femme rousse un peu folle. Mais cette semaine, c'est pas ça du tout. C'est du rock pur et dur. Et ça a une petite tendance Red Hot Chili Peppers, puis Pearl Jam un peu. Vraiment une belle sonorité. Mais franchement, c'est pas de la musique qu'aujourd'hui je réécoute puis que j'aime tant que ça. Fait que je vous le présente parce que ça a vraiment marqué mon adolescence, mais je sais pas pourquoi. Mais Incubus, pourquoi la référence sexuelle, c'est qu'il faut tout d'abord que je vous explique c'est quoi un incube. Ah, je sais pas moi. Un incube Rubik. Non, c'est pas vrai. Un incube, dans le fond, c'est comme un espèce de démon mâle qui est censé prendre corps pour abuser sexuellement des femmes. Une femme endormie en particulier, mais pas juste une, plusieurs peut-être. Apparemment, il serait velu. Hirsute, ça, je sais pas ce que ça veut dire. Faut que j'aille c'est voir sur poilu hirsute. Aussi, hirsute. Ouais. Ben, en tout cas, il n'y a pas de l'air ben attrayant. Et il aurait comme but, c'est ça, de mettre enceinte une femme endormie et n'est pas exclu la possibilité d'agresser un homme, probablement s'il se trompe, je sais pas. Et le démon incube pèserait sur la poitrine de sa victime endormie et pourrait même l'étouffer. Mais en fait, ça fait référence, c'est dans la mythologie depuis super longtemps. Puis, je sais pas si vous avez déjà vécu ces expériences-là de terreur nocturne ou bien la paralysie du sommeil. C'est quand vous vous sentez comme immobilisé dans votre sommeil, mais vous êtes comme enlevé et éveillé. C'est vraiment un phénomène psychologique qui existe et que moi, je le vis assez souvent, mais les premières fois, c'est assez capotant. Ça doit être épeurant, oui. Tu te sens vraiment écrasé. Fait, moi, j'ai vraiment l'impression que si, en plus, tu es en train de rêver, tu es en train de rêver à quelque chose de à nature plus sexuelle, puis que tu rêves à ça, souvent dans le passé, dans l'histoire, dans les écrits, dans l'art aussi, il y a des peintures d'incubes. On va faire une représentation de ça comme vraiment un démon qui viendrait violer dans le fond des femmes dans leur sommeil. Et l'inverse est aussi possible, c'est le succube. Donc, quand on traite une femme de succube dans un mauvais épisode de Régent Tremblay, c'est une succube! c'est ça. Succube, ça serait la version féminine qui viendrait agresser le garçon endormi. Ben, le garçon, l'homme, là. En tout cas, je sais pas s'il est pédophile. Je penserais pas. Moi, je pensais que c'était masculin incubus, tu sais, mais... Cubus? Masculin incubus. C'est comme le féminin, le masculin de l'incubus pour la femme. Non, c'est ça. Qu'est-ce que t'appelles le Kamasutra d'un incube? Un incube Rubik. Mais c'est parce que j'ai déjà volé le punch au début. Je suis plus fort que toi, ça a sorti tout ouais, seul. Tout à l'heure. Mais c'est le fun, tu m'as sauvé ma mauvaise blague. Fait que c'est continuellement. Ouais, elle était vraiment mauvaise, merci, ta blague. Et aussi mauvaise que la mienne. Pas trop de temps, tu vois. Voilà, donc Incubus, pour revenir au groupe et non pas le démon qui viole, hein, ça va, je sais pas, un peu plus... ça l'intéressait beaucoup, c'était... donc, c'est vraiment un band alternatif metal rock, métallo-techno, trash, metal post-grunge, trip-hop. Oui, oui, bien sûr. Voilà les descriptions avec, en plus, citations. Donc, il y a vraiment des gens qui ont cité... Et chaque mot sur Wikipédia est lié vers son style musical. 3, 4, 5 fois, en plus, d'ailleurs. Et ce groupe-là a été formé, dans le fond, en Californie, à Calabasas. Calabasas. Oui, ça sonne bien. Ça sonne très bout de la langue. Je crois que vous avez vu un gros minier. Oh! C'est bien fait, ça. C'est gentil. D'ailleurs, en 1991, ça existait-tu, gros minier? 91, bon. Ouais, en tout cas. Oui, probablement. Hein. Incubus, eux autres, sont formés en 91. À partir de la tête du band, Brandon Boyd, qui est quand même un peu cute, je dois l'avouer. Il est quand même un peu cute. Et leurs premiers gigs, dans le fond, se sont produits au Whiskey A Go-Go sur le Sunset Strip à Los Angeles, que j'ai eu la chance d'aller visiter lorsque j'étais en Californie. C'est assez... en tout cas, c'est une drôle de place. Je veux dire, je l'ai quand même juste vu de l'extérieur là, pour pas... faire ma fresh pet. Là. J'ai juste vu de l'extérieur dans un autobus de touring. Des autobus double-decker à deux étages. Aussi, j'étais au-dessus, il faisait tellement fret. Il fret en Californie, mais c'était en novembre. Là. Puis là, je regarde. Oh, le Whiskey A Go-Go! j'étais loin de me douter qu'Incubus avait fait ses débuts là. Donc, en 97, c'est-à-dire 6 ans plus tard, ils lancent finalement un deuxième album qui commence à pogner parce que leur premier album, Fungus Among Us, un vraiment mauvais jeu de mots, était assez... c'était moyen. Là. Fait qu'en 97, ils commencent à avoir du succès et cet album-là leur a permis, l'album qui s'intitule Science, mais en, comment, en sigle, S-C-I-E-N-C-E. Je l'ai-tu bien appelé? Oui. Deux bouts de métal. Deux bouts de robot. Deux bouts de métal. Deux bouts de quoi? Tiens, prends ça. Hey, mes références à matin, là, ça va pas bien. Mais mes petites citations accrochées à côté ne fonctionnent pas quand je suis dessus. C'est ça, ces citations requises ou qu'est-ce qu'ils disent sur Wikipédia quand il manque, en tout cas, bref. L'album Science a permis à Incubus de jouer avec des bands comme Korn et System of a Down, Cummings, qui leur a donné beaucoup de visibilité et leur a donné un élan pour ensuite produire des albums Make Yourself et Morning View qui ont beaucoup pogné. Et d'ailleurs, ils ont tellement pogné et suite à la fin de leur contrat avec Sony, leur label, ils se sont dit « Crème, on s'est vraiment fait fourrer. » On a vraiment été très pauvrement compensés. Donc, le band a actionné leur label qui, eux, les ont poursuivis en retour. Je ne sais pas trop comment ça s'est produit en cours, mais finalement, ça s'est réglé hors cours pour un renouvellement de contrat pour 3 albums et un possible 4e avec un versement maigre de 8 millions de dollars pour le premier en avance et 2,5 millions pour chaque album ultérieur. N'importe quoi. Mmh. Moi aussi, je veux jouer de la guitare. Zing-a-ling, zing-a-ling. Ça, c'est juste un peu avant l'enregistrement de A Crow Left of the Murder, qui est l'album dont je veux vous parler aujourd'hui. Et celui-ci a été enregistré live, c'est-à-dire que le band jouait tous les instruments en même temps, en opposition à la méthode plus fréquente où les bands enregistrent chaque instrument séparément. Là, attention, je suis pas en train de dire que le chanteur jouait aussi de la guitare en jouant de la batterie avec ses orteils. Je suis en train de dire que chaque musicien avait comme son poste, puis à la place de fumer du pot à l'extérieur en attendant que ce soit son tour, il jouait tout ensemble, puis après ça, ils fumaient. Oui, ils fumaient pendant qu'ils jouaient, peut-être. On sait ou pas. Si, peut-être. Ouais. Je sais pas, il y avait peut-être un, à côté des pics, il y avait leur joint, je sais pas. Tu sais, souvent, là, sur le micro, il y a pas une rangée de pics. Tu joues avec ton joint. Ça sonne un peu mou. Joint Incubus. Ça manque de motivation. Quoi? Joint Incubus? J'ai fait Joint Incubus. L'album a été produit par Brendan O'Brien, qui a produit dans le passé Pearl Jam, Soundgarden et Rage Against the Machine pour nommer que seulement... Voyons. Que ceux-là. Moi, Pearl Jam, on dirait une émission pour enfants. C'est Pearl and Jam, Perles et Confitures. C'est comme des petits coupes de marionnettes. Pearl and Jam, you know. Oh, c'est bien cute. Ouais. Et d'ailleurs, on entend vraiment l'influence sonore qu'a eu O'Brien sur l'album et la bêtise de Mathieu Plante dans le micro. Et... Einziger, qui est le guitariste, a décrit les chansons comme de la... Là, attention à mon français, là, la vieille shit, old shit, but older. Ah, les gens comprennent pas l'anglais, c'est correct. Très mature, comme des musiques, de la musique plus mature, c'est très différent, plus énergétique, plus rapide, plus technique, et ça, on l'entend vraiment. Et d'ailleurs, le côté technique, j'ai pu l'explorer littéralement. Parce que quand j'étais petite, je jouais de la guitare. Zing-a-ling, zing-a-ling-a-ling. Et je jouais de la guitare électrique. C'était ma première année de jouer de la guitare électrique. Et ça, ce fut d'ailleurs ma dernière année. T'étais pas bonne? Ben non, j'étais bonne, mais ça m'a vraiment fait décrocher. Finalement, je suis vraiment faite pour la guitare classique. Les gens à la maison sont... Chou, boum. Ouais, non, j'aimais vraiment pas la guitare électrique, pas du tout. Et j'avais joué la chanson Megalomaniac, qui a vraiment beaucoup pogné à la radio, qui était d'ailleurs super le fun à jouer, mais Caroline, que j'étais... Je sais pas, moi, je préférais vraiment pas jouer avec un pic. Je voulais jouer avec mes doigts, je voulais faire des arpèges puis jouer guitare classique. Tout ça pour dire que cette chanson-là, Megalomaniac, a suscité beaucoup de controverses. Est sorti en décembre 2003, donc c'est comme 2 ans après l'histoire des deux tours. Bush aurait peut-être fait partie des inspirations pour cette chanson-là. Donc, un mégalomane, ça veut dire quelqu'un qui veut le pouvoir juste pour lui-même et qui va piler sur les autres pour l'avoir. Et donc, MTV a banni le vidéoclip le jour et l'a mis exclusivement en visionnement de nuit. Et cependant, le band nie que ça avait un lien avec George Bush et se défend en disant que c'était juste une accusation générale de n'importe quel leader, etc., etc. Et donc, sans plus tarder, parce que je pense qu'on peut aller en break musical, on va aller écouter la première chanson, Southern Girl, qui est vraiment très, très agréable aux oreilles. Donc, c'était Justine aux platines, assez fou, avec Southern Girl. Bonne écoute. Everything a baited hook, and are there locks on all doors? If you're looking for an open book, look no further. I am yours. We'll behave like animals. Swing from tree to tree. We could do anything that turns you on. Kicking my put you in a scissor fight. I'd cut off both your wings on principle. C'était Megalomaniac, la chanson de 2003 qu'on a entendu beaucoup, beaucoup à la radio, qui vient de Incubus, un groupe qui a marqué mon adolescence. Fucké. Non, pas si étrange que ça, Mathieu. Je suis sûre que la tienne était beaucoup plus troublante que la mienne. Ben oui. Ben tu me connais, là. Il devait ben tellement oui. être rebelle. Ah, oh, ben déjà, toi, ta musique dans ton temps, c'était pas m'amuser parce que t'es beaucoup plus vieux que moi. Hé, hey, les insultes à matin, t'étais pas drôle hier à l'émission. T'es vieux. Non, ça, c'est pas vrai. Moi, je t'ai pas écouté, fait je sais pas si t'étais pas drôle. On va laisser le jugement à Steph. On va laisser le jugement à Steph. Mais savez-vous qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui, Incubus? Non. Pas grand-chose. Eux autres, ils ont commencé à l'inverse. Saviez-vous que Brandon Boyd est retourné en 2008 à l'université dans un programme d'art? On s'entend-tu que d'habitude, tu t'en vas dans un programme d'art à 17-18 ans, tu fumes du pot, tu dis « Ah, je vais faire de la musique. » Après ça, tu hook up avec un paquet d'autres membres, puis là, tu fais de la musique. Mais non, lui, il a fait l'inverse. Lui, il a dit « Moi, j'ai pas de background en musique. Je vais faire un groupe. Après ça, je vais aller faire... je vais aller à l'université en art puis en musique. » Même chose pour Mike Einziger, qui est le guitariste principal de Incubus. Et je sais pas si vous l'avez entendu. C'est vraiment un très bon guitariste. Et lui, il a dit « Moi, je vais aller à Harvard pour apprendre comment composer. » En 2008, ah. Là. Je vous niaise même pas. Fait que voilà. Mais je voulais juste dire ça parce que je trouvais ça assez cocasse. C'est ben, cool. Oui, c'est bizarre. Oui, c'est ça. Suivre ses rêves, ça. Oui, suivre ses rêves. Alors, ce fut Incubus qui a marqué mon adolescence et avec qui j'ai pu jouer de la guitare électrique et me rendre compte que la guitare électrique, c'était pas pour moi. T'aimes pas ça? J'avais fait Megalomaniac en spectacle. On faisait comme un spectacle. Là. C'était au centre de piano et d'orgue morcien là, sur Saint-Maurice, là, à côté d'une ou deux prostituées. Le C-Pom, comme on appelle, le centre piano et d'orgue. C-Pom? C-Pom? Je savais pas. Ça. Mais c'était super. C'était super le fun de faire des récitaux et faire, dans le fond, des concerts de musique et tout. Là. À la fin de l'année, avec ton prof de guitare, tu faisais ça. Mais j'avais oublié de jouer avec la pédale de guitare, tu sais, moi. Et concentre-toi sur la guitare. Moi, j'étais pas capable de me concentrer sur les pédales. Tu n'avais pas encore beaucoup d'expérience avec les pédales. Ah, zéro. J'étais zéro pédale dans ce temps-là. Voilà. Fait que là, mon prof s'est approché parce que mon prof jouait la bass. Tu sais, mon prof, c'était un monsieur qui calait. Il était vraiment très, très cool. Benoît Boulay, dans le fond, je... Allô, Benoît, si jamais t'es là à l'écoute, là, t'as vraiment été le meilleur prof de guitare ever. Benoît! Mais il était vraiment cool. Il était super pas trash, pas en tout, avec son petit chandail de laine, son petit cardigan en laine. Il était écœurant. Il jouait de la bass avec nous sur la chanson Megalomaniac pendant que genre je chantais, puis que je jouais de la guitare, puis que je sacrais, parce que la chanson, elle sacre. J'étais beaucoup trop jeune. Tantôt, tu as essayé de karaoké, le verbe karaoké, sur la chanson, c'était Megalomaniac. Est-ce que tu voulais t'essayer en nom? Non. Je sais même pas qu'est-ce que je karaoké. Okay. Hey, parfait. On l'accorde, on s'accorde bien. Oui, on s'accorde bien. Accord, c'est toi le vin ou c'est moi le mets? C'est toi qui te mets? Qui a-t-on envie de boire? Qui a-t-on envie de manger? Qui a-t-on envie de mettre? Qui a-t-on envie de laisser dans le garde-manger? Je pense nous deux. Oh non! On n'est pas bon. Dans la garde-robe. Sortez du garde-manger. Du garde-manger, c'est bon. C'est ce qui clôt Justine aux platines. De retour dans deux semaines si... non, il n'y a pas de si. Je serai là. Ton contrat dit aux deux semaines. Oui, mais moi, je veux qu'on me verse comme Sony a fait 8 millions d'avance. 8 millions? T'as pas dit 8 millions de quoi? Qu'est-ce qu'on pourrait se permettre comme... Des coquerelles. Des photons. Des comment? Des photons. Des photons. Ah, OK, excuse-moi, c'est comme des cellules miniatures. Non, non. Fait que c'est fait, ça? Puis j'ai déjà... Oui, c'est fait, OK. Ça fait très longtemps que 8 millions de photons m'ont été bombardés par les jolis néons du studio. Hey, l'autre jour, j'ai eu un bug. On appelle ça un studio, ce qu'on est en ce moment? Studio, oui. Sauf dans Radio Enfer, ils disaient un cubicule. Un cubicule. OK, moi, c'est un studio ici. C'est un studio. Parce que sinon, t'as une régie qui serait... Parce que ça peut aussi être considéré comme une régie, mais ça, une régie, ce serait une console à part et le studio serait l'endroit où les animateurs parlent, mais nous, c'est la même chose, c'est la même place. Parce que vous autres, vous êtes cool, vous êtes hot et vous êtes multitâche. Et ben Mathieu... Oui, et on n'a pas les moyens d'avoir mieux. Donc, on n'a pas les moyens. On n'a pas les moyens! Si vous êtes à l'écoute, là, ceux qui veulent faire des dons... La radio communautaire. Ah non, on est une radio universitaire. Oui, universitaire. Campus communautaire, qu'on appelle. Voilà. C'est bien des choses. Bref, Justine Renaud, à dans deux semaines, mercredi à 7h30. Peace and love. 5h40. Merci. Oui. Bonne journée. C'est plaisir. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de cons de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Replongeons dans le dîner de cons un certain midi cette semaine. Vous êtes bien dans le dîner de cons avec Danny Janvier, avec moi, j'ai mon ami Fader. Salut Fader. Salut Danny, comment ça va? Ben ça va bien, ça moi, va bien, là, oui. Mais la technique, ça va pas bien. Ouais, c'est quoi, Internet est lent aujourd'hui? Ben, il est lent, puis il y a comme... là, de toutes les pages, on voulait parler de Bloodshot Bill. Exactement, parce que je suis allé le voir en fin de semaine. C'est la raison pour laquelle je suis ici aujourd'hui. Exact. Et puis, j'essaie de trouver... On dirait que, je sais pas, Internet a comme banni Bloodshot Bill. Tout ce qui est lien avec lui, ouvre pas. Mais ça m'étonne pas, parce qu'on pourrait peut-être le bannir aussi, donner des spectacles. Non. OK, fait que sinon, là, c'est comme un signe. Ben, c'est un signe avant-gardiste, si on veut. Mais c'est juste que je suis allé le voir en fin de semaine. C'est ce que je vais te proposer. Ouais. Check, ben, on va faire les choses comme faut. Je vais partir la trame qui est supposée d'avoir quand un invité vient. Ben oui, quand un invité vient, mais là, comme d'habitude, c'est normal que c'était pas ça, parce que t'étais tout croche. Ouais. Donc, je vais partir la trame. Tu vas me parler un peu de ça, puis pendant ce temps-là, je vais chercher une toune de Bloodshot Bill. Amuse-toi, c'est que moi, ce que je voulais dire, c'est que je suis allé le voir en fin de semaine au Zénob, les feux de forêt dans le désert. En fait, la party a super levé, mais c'était une soirée back to the 50s, si on veut, parce que c'était un retour totalement dans le temps des années 50. On avait l'impression d'assister quasiment à un spectacle de Elvis Presley ou quelque chose comme ça. C'est quand même bien. C'est rockabille, hein? Oui, rockabilly au fond. Je pense que c'est impossible d'avoir plus rockabilly que ça. Il y avait les Babalounis juste avant qui sont assez intéressants. La moitié de leurs chansons sont des covers. L'autre moitié, c'est de leur chanson à eux. Est-ce que c'est du monde du coin? C'est tout le monde de Montréal? Parce que moi, quand j'étais allé voir ça, j'ai fait la pub. Oui. Ça avait l'air quasiment américain. Exactement. Moi aussi, je pensais ça. Puis il me dit non, je viens de Québec. Okay. Le gars dit, je viens de Québec. Je pense que c'est un Richard, son nom. Son prénom, ils sont comme cinq. Puis ils sont tous habillés pareil. Ça, c'est les Babalounis. Oui, les Babalounis, exactement. Okay. Ils sont cinq avec des vestons gris un peu, vieux, rétro. Okay. La petite coupe des années 50, là, on peut l'imaginer avec du gel un peu. Puis ils dansent tous sur du rock un peu en gigant de la patte, là, si on veut. Okay. Et puis Bloodshot Bill, en fait, était l'événement principal de la soirée de samedi soir dernier. Mais la seule particularité que j'ai vraiment aimé du Bloodshot Bill, ce que je trouve quand même noble, c'est que, de un, il y avait les cheveux lichés. De un, c'est très important à dire, les cheveux lichés, mais j'ai jamais vu des cheveux lichés comme ça. Quasiment un casque. C'était exactement quasiment un casque. Quand je l'ai vu à côté de moi, je capotais. J'étais là, voyons donc, du monde de même, ça se peut. Mais c'est pas des jugements que je veux faire aujourd'hui. C'est que il est un homme orchestre. Okay. C'est-à-dire que... il a son petit bass drum, il a son hi-hat, puis sa guitare. Il chante, en fait, il essaie de chanter parce que sa voix est un petit peu rauque et on ne comprend pas trop ce qu'il dit quand il chante. En fait, on comprend rien, pour être honnête. Et c'est en anglais? Et c'est en anglais, en okay. plus. Mais ben, en fait, je pense. Ouais, c'est ça, t'es pas sûr. Je suis pas sûr. T'entendais des bruits. J'entendais des... Ben, en fait, c'était comme un genre de crise. Moi, j'ai comparé ça, je pense que j'en ai parlé hier. Ça va être méchant, j'ai comparé ça à un animal qui se faisait... Pilé dessus, puis que ce petit son-là était sa voix. Qui nous autres, des fois, on disait genre une vache pognée d'une clôture ou quelque chose. C'est une bonne expression. Mais le pire dans tout ça, c'est que j'étais en train de blaster les feux de forêt dans le désert. En fait, ils ont fait une très bonne job, les gars, là-bas. Leur show était vraiment pogné, c'était plein. L'ambiance était super intéressante. Mais ils ont une belle crowd, eux autres. Ouais, vraiment. Dans le désert, quand c'est, même. C'est vraiment, cette activité-là au Zenob est vraiment intéressante. C'est une belle façon de passer son samedi soir. Mais j'ai déjà vu les qualités musicales meilleures que toi, c'était, mettons, pas le genre qui te tente. Non, mais pour une soirée, peut-être, ça peut être intéressant. Mais même à là, je sais pas si la qualité de l'instrumentiste qui était... c'est quand même impressionnant à voir quelqu'un qui est tout seul en avant. Homme orchestre. Un homme orchestre, c'est quand même cool. Mais... Ça pas touché mes cordes, mais il manquait un petit quelque chose. Est-ce que c'était le premier homme orchestre que vraiment tu voyais, genre? Ouais, live, oui. OK, oui. Parce que moi, j'avais déjà vu quelquefois Fred Fortin. Ah, lui, ça peut être intéressant. C'était, lui était assis avec sa guitare, son bass drum, puis ça rentrait, sérieux. C'était sale, mais c'était vraiment intéressant. Ouais, les textes de Fred Fortin. Ses textes sont hallucinants. Ouais, c'est ça. À Fred Fortin, là. Ouais, c'est vrai. On voit souvent dans les soirées de gigs anciennes, dans les soirées canadiennes, avec quelqu'un avec une guitare, un petit... Tu sais, Fred Pellerin fait sa vie aussi, avec ça. C'est assez intéressant, ça, mais c'était vraiment totalement différent. Avec son bass drum en avant, sa guitare, il a gratté, il jouait son hi-hat. C'est quand même cool. Mais c'est peut-être qu'il aurait peut-être pu se concentrer un petit peu plus sur sa voix. OK. Je pense que sa musique en sortirait peut-être gagnante, après tout. J'ai trouvé peut-être une pièce, et je suis même pas sûr si c'est lui, tu sais, parce qu'on est sur YouTube. Oui, exactement, mais je pense que oui, ça me semble être lui, un peu. On va aller voir. Ça marche pas. On va checker ça en onde, voir. Ça semble être lui, ouais. Oui. Ouais, Bloodshot Bill. Bloodshot Bill, c'est vraiment lui. Regarde, tu vas le voir avec son. Il est seul, sa guitare, son hi-hat, puis tu vas tout voir ça, là. Puis la chanson, c'est Can't Dance Alone. Ouais. Bon, ben, on va avec ça. On va essayer de voir ce qui arrive. Ouais, on va essayer de pas se faire casser les oreilles. Non, en fait, on vous souhaite une bonne écoute. Dimly 20, I'll be teen dance hall. But still I can't answer when the music calls. My baby's gone candy alone. No one can replace her in this heart of mine. Though I guess I'm wasting music in my time. My baby's gone candy alone. All the kids are popping, drifting with the beat. Why can't I leave my blood behind and dance so high free? My baby's gone candy alone. I didn't nobody can replace her in this heart of mine. Though I guess I'm wasting the music in my time. My baby don't I shouldn't hang around for she make a drop on by. And I know she shouldn't dance with some other guy. My baby's gone and dance alone. My baby's gone and dance alone. Bloodshot Bill. Donc, tu vois le petit squeak que je voulais que je parlais tantôt là. Ouais, vraiment. c'est juste étrange, c'est que sa mélodie est faite par sa gorge, on dirait, c'est pas des paroles ou je sais pas s'il y a une volonté de dire quelque chose dans sa musique, c'est considéré artistique évidemment, mais je sais pas si ça s'interrogeait sur la question est-ce que c'est réellement de l'art ou tu sais, je veux dire c'est peut-être juste ma conception à moi de la chose, mais je plante pas les artistes d'habitude, c'est pas mon genre. Si oh ouais. Mais c'est juste que celui-là, c'était le fun pour une soirée. Ça a bien été, mais dans un road trip, là, c'est peut-être pas la chanson que je mettrais ou le genre de musique qui m'accompagnerait. Le rythme, sa guitare, tout ça, ça OK. Exactement, ouais. Mais quand sa voix embarque est particulière, ouais, pas mauvaise. Non, mais c'est unique. Tu écoutes ça une fois et tu te dis « Ah, c'est cool ». Mais j'en veux pas plus. Pas trop. C'est ça, exactement. je l'ai entendu, c'est fait, c'est ta bucket list, tu mets ça sur ta liste de choses. J'ai déjà écouté Bloodshot Bill, c'est parfait. Comme là, c'est fait, là. Là, c'est fait. Moi, j'ai vu un spectacle en plus. Il y avait. Mais pour vrai, l'ambiance était survoltée aux Zénobes. Je veux le donner, là. C'était vraiment. La soirée était telle fun. Ça, c'était samedi soir. C'est samedi soir dernier. Parce que j'ai des amis qui sont allés, puis des amis de ma blonde aussi qui sont allés. Eux autres, là, ils ont trippé bien raide. Ouais, c'est ça, exactement. Mais comme je dis, je pense que l'âge pour apprécier ce genre de musique-là, t'es peut-être en haut de 30 ans. OK. Fait que je sais pas si tes amis étaient en haut de 30 non, ans. Non, ben, ça dépend. Il y en a qui ont 19 puis d'autres qui ont 35. Là. Ah, mais c'est fait ça. C'est plus ça. Mais la moyenne d'âge était peut-être de 27, 28, 29. OK. Tu sais, estimé là-dedans. Là, et puis, si on parle des. Tu me dis les Babalonis, eux autres, c'était quoi comparé à ça? C'était la première ou deuxième partie? C'est la première partie. Babalonis, la première partie. Eux, ils étaient plus musical, beaucoup orchestre, souvent. Il y avait deux chansons sans parole. Quand ils chantaient leur chanson, c'était. Je me sentais vraiment en train d'écouter Elvis Presley. Okay. De A à Z. C'était vraiment trippant là, comme soirée. C'est vraiment le fun, c'est bien. Mais il faut que ça plaise. Là, faut que ça soit ton genre. Faut ouais, que tu aies envie. Exactement. Fait que là, finalement, tu te retrouvais un peu comme dans Back to the Future 1, quand il y a l'orchestre. Oui, l'orchestre. Si on veut. Ouais. Ouais. Sinon, côté art visuel, ouais, mon ami. Il y a quelque chose de super intéressant, en fait, qui s'est passé avec un professeur de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Okay. Son nom, c'est Philippe Boissonnet, professeur en art visuel dans le département d'art et philosophie, qui expose à New York une exposition qui s'appelle Uncertain Worlds à la Holo Center Vault Gallery à New York. Donc, c'est quand même assez prestigieux, cette exposition-là. Il va y présenter des holographies, en fait, qui ont déjà... En fait, la moitié de son exposition a déjà été exposée à Trois-Rivières, au centre Raymond Lanier de l'exposition, et aussi à Victoriaville, sous le titre « La conscience des limites ». Donc là, il va présenter un peu... son interrogation sur la vie en général, évidemment, parce que l'art interroge la vie, c'est facile à dire, mais c'est vraiment plutôt sur... C'est sur l'image, sur l'évanescence de la vie, en fait. Sur, quand on a une parce que l'art holographique, pour ceux qui connaissent ben c'est, pas moi, c'est ce que j'allais dire. Qu'est-ce que ça peut avoir de l'air si je vois une œuvre, si tu me la décris, qu'est-ce que je vais voir? C'est fait en c'est deux constituantes super importantes. Il y a une photographie en trois dimensions et il y a de la physique micro-optique qui fait l'illusion. Fait qu'on peut parler d'illusion un peu. On joue avec l'image. Est-ce que ce qu'on voit est réellement réel? Est-ce que c'est Une perception. C'est une perception. Donc, c'est assez philosophique comme, okay, comme art visuel. Donc, justement, là, il s'interroge sur l'image évanescente de la vie. Est-ce okay que, comme je disais il y a deux petites secondes, est-ce que, est-ce que c'est totalement... Est-ce qu'on voit nécessairement la réalité? Est-ce que notre image qu'on a, notre monde est réel, évaporeux? Est-ce que ça vient pas? Et cette exposition-là prendra l'affiche à la Hollow Center Vault Gallery au mois de mars. Je pense que c'est le 7 mars jusqu'au 21 mai. Est-ce que c'est donc, des grands formats? Parce que moi, j'ai vu souvent des holographies, des œuvres holographiques, ouais, c'est assez petit d'habitude. Mais lui, ils sont assez grandes. Okay. Moi, j'avais vu son exposition à Raymond Lanier, qui était en avril 2013, ou à l'automne 2013, si je ne me trompe pas. Oui, exactement. À l'automne 2013, à Trois-Rivières, exactement. Puis c'est en avril 2013 qu'il était à Victoriaville. Mais en 2013, je suis allé voir ça et c'était quand même assez grandiose. Il y a des projections en haut, sur le plafond de, je ne sais pas si tu es déjà allé au centre Raymond Lanier. Toutes les galeries d'art, de toute façon, sont un petit peu contemporaines, la manière de construire. La galerie. En haut, il y avait des projections sur le sol. C'était grand. C'était pas des petites œuvres. Okay. Puis quel genre de sujet qu'il utilise? Tu sais, dans le sens, est-ce que c'est complètement de l'abstrait? Oui, ou c'est des sujets qui sont mis en abstrait dans des... C'est très abstrait. Ce qu'il y avait, je me rappelle très bien, d'une installation en particulier, il y avait deux projecteurs face à l'autre. C'était un petit peu fait sur un corridor là, long. Dans le milieu, il y avait des miroirs un peu inclinés aux 45 degrés des deux côtés. Puis là, ils reflétaient des images. Puis c'était comme des cercles entrecroisés l'un dans l'autre. Puis c'était vraiment, tu t'approchais, ta perception changeait, tu reculais, ta perception changeait de la chose. C'est ça qui était quand même intéressant. Fait que ça reste quand même dans l'abstrait. C'est très abstrait. C'est pas une fleur en 3D. Non. Là. Exactement. Non, c'est un genre de... Mais ça se demandait si c'était un soleil ou quelque chose comme ça. T'sais, c'était une lumière, une source de lumière. C'était vraiment... Moi, j'avais trouvé ça très intéressant à voir. Mais ça peut ne pas plaire à tout le monde. Mais je trouve ça quand même... Ça a plu à beaucoup de gens parce que il y a eu beaucoup de fonds de résidence avec justement la Holographic Center, Art Center aux États-Unis, au Vermont plus particulièrement, puis son laboratoire qui est là-bas de holographie, parce qu'il n'y en a plus au Canada de laboratoire de holographie, c'est un peu dommage. Il y en a aux États-Unis, au Vermont, donc il va là, il fait des œuvres là. Puis il y a eu beaucoup de fonds pour faire son art. Son art, c'est cool, oui. Si on veut voir ces trucs, est-ce qu'il y a un site internet ou quelque chose, ou nous rappeler son nom encore? Philippe Boissonnet, qui est professeur ici au département d'art visuel et de philosophie. Il y a son site internet, je pense que c'est le triple... Il y en a un, je suis allé le voir l'autre jour. En tout cas, sinon, avec son nom sur Google, on va trouver. Oui, exactement. C'est un artiste quand même connu ici. Mais pas assez. Mais souvent, les artistes... Surtout... Surtout en art visuel. Mais lui, il a un Flickr, en fait. Okay. C'est ça qu'il a. Il est sur Flickr. Donc, on va pouvoir aller voir ce qu'il fait. Je peux te le montrer ici, justement, Danny. Tu peux le voir. Là. Tu peux peut-être le mettre en ligne sur ta page Facebook, si tu veux. J'en mettrai. Exactement. Donc, tu vois, c'est comme des ronds. C'est assez... Circulaire. Circulaire, mais aussi assez... interrogatif. Non, ça se dit-tu, ça? Je sais pas si ça se dit. Je pense que ça se dit. En tout cas, dans le dîner de con, ça se dit. Dans le dîner de con, OK. Pas à livre ouvert, ça se dit pas. À livre ouvert dans mon émission. Dans ton émission. Dans le dîner de con, tu peux. Je le dirai pas dans mon oral tantôt, c'est certain. Justement, on rappelle, à livre ouvert tous les jeudis, 18h. Oui, exactement. 18h. Cette semaine, on a le thème de la route qu'on va exploiter. Excellent. Donc, tout ce qui est écriture de la route avec les chansons de la route pour une première fois. On va avoir de la musique anglophone dans notre. Dans notre Jack Kerouac sort de ta tombe. Exactement, mais qui était un francophone d'ailleurs. Oui, un Québécois. Oui, en fait, d'origine québécoise. Il y a des entrevues. Ses parents, genre. Oui, mais lui, il parlait français, mais tu sais, il c'est hallucinant, ça, les entrevues sur YouTube avec Jack Kerouac en français. Puis il parlait pas comme nous autres, là. Oublie ça, là. Non, c'était ton grand-père avec des formulations anglaises. Oui, exactement. Un joual américain. Parce qu'il était américain, après tout. Oui, il était américain, mais sa mère, elle venait d'ici, genre, je pense, quelque chose du genre. Il était quand même très fier de ses racines québécoises et il a extrêmement influencé la culture québécoise de la route. Donc, on va en parler à livre ouvert la semaine prochaine. Sinon, le journal bimensuel sort la semaine prochaine. Le Zone Campus, parce que Félix-Antoine écrit aussi. Campus. J'ai cette manie-là. puis tu l'as fait très bien. Merci beaucoup de m'avoir sauvé. Parce que ça allait pas. Oui, c'est ça. Ça a des problèmes techniques avant. Problèmes techniques et technologiques. Bon, on aime ça. Yes. Sur ce, merci encore, Feder. On se reparle mercredi prochain. Ouais, exactement. Vous venez d'entendre les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Vous avez aimé ça? Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de cons de 11h à 13h. Vous pouvez aussi écouter C'est fou en direct et télécharger les balados diffusion sur cfou.ca.